23h. Mickaël. Just Hits. Goom Radio. Bon, comment ça se passe, Ben? Parce que bientôt, à ce niveau-là, on va commencer à 15h. Hein. Ouais, non, mais alors, enfin, c'est pas que ça me dérange, hein, c'est juste que t'es prévenu, quoi. Je voulais partir plus tôt, il y a Desperados Waves ce soir à la télé. Ah, ouais, ah. Bah, il y a surtout du foot ce soir avec Benfica Lisbonne. Elle est bien, ta vie, Ben. Benfica Lyon, pardon, ouais, tu regardais Desperados Waves. Tu veux qu'on parle de ton week-end à Marseille ou pas? T'as rien à foutre, alors. Non, à part équipe levée, c'est pas grave. En même temps, c'est déjà terminé. Oui, c'est vrai qu'effectivement, ils ont même dû annuler, on n'avait pas parlé, ils ont dû annuler Marseille, Brest, Rennes. À deux reprises, dimanche, elle devait être à 17h, ouais, alors que c'était samedi. D'abord c'était samedi, puis ils l'ont mis dimanche, et puis après ils l'ont annulé. Enfin, ouais, ils l'ont reporté, c'est en décembre, je crois, un truc comme j'ai ça. J'ai choisi juste le week-end on dit pas des cornes, parce qu'il peut pas, il pleut pas des cornes. Mais parce que je suis cocu. Ah, bah ça doit être ça. Ah. Fallait que je l'annonce ce soir. Ça doit être ça. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé, pour ceux qui n'étaient pas là hier, un bon long week-end. Oui. Hein. Oui, salut Ben, au revoir. Et puis, salut Ben, voilà, salut, oui. Et stay tuned. Parce que le nom de famille de Ben, c'est Ben Stay Tuned. Ouais, stay tuned. comme il dit, c'était Ben Stay Tuned. Oui. Alors à terme, à force, je me dis, tiens, c'est... Sors de là, c'est plus à toi maintenant. Donc si vous le cherchez sur Facebook, vous tapez Ben Stay Tuned. Ou Benjamin Galouille. Ouais, bon, enfin bon, après, vous le trouverez peut-être un petit peu mal. G-A-L-O-U-Y-E. Il habite à Boulogne. Ouais, c'est ça. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur de la tête, hein, voilà. Bon, j'ai trouvé une application qui déchire. Qu'est-ce que c'est? C'est une application qui donne, qui vous explique ce qu'est votre prénom et qui vous êtes. Et moi j'ai trouvé le test des 9 personnalités. Oh. Tu connais? Bah, très bien, non? C'est sur iPhone aussi, ça, t'as plein de questions et ça te donne ta personnalité. La boucle. Non mais oh, il y a Fredo qui essaye de me foutre à poil. Ah bah il a raison. Ah bah non, il a tort. Hein. Ouais, épouvantail. Oh! Épouvantail, c'est bon. On va avoir peur. Épouvantail, c'est pas mal, ouais. Ah, il est pas mal. Non, mais on rigole pas, Amy. C'est drôle, j'écoute pas, je m'en fous. Ouais. Non, ça nous a fait marrer. Soit on part à 22h ce soir. Bah oui, enfin. Bah c'est à dire qu'à force de démarrer tellement tôt, oui, c'est possible que ça arrive. Mais t'as repris du volume ce matin, t'étais tout écrasé. Ah, mais c'est la pluie, je pensais qu'il avait coupé les cheveux, mais pas du tout, c'est revenu. Fredo, ça me fait mal. Non, on coupe pas une équipe qui. Qui gagne pas. Oh, mais il en a pris moins en ce moment. Voilà, c'est ça. Bon, alors comment ça va se passer, Lyon? Benfica Lyon ce soir? Benfica, évidemment. Non, je vous entends mal. Un micro. On dirait le Corse. Ouais. Le micro, Fredo, le micro. Le Corse, il a changé de coiffure. Hein. Oui, c'est vrai, un petit peu. Ouais. Bah, il y en a pas là, surtout. C'est ouais, ça. Il est dégaine aujourd'hui. Ouais, il est stylé. Hein. Ça change du pull rose de la semaine dernière. Il est en mode skate. T'as acheté des fringues? Ah non, ça fait elle a 8 ans cette veste. T'as peur de lui poser une question, quoi. Tu te dis, bon, je vais en prendre une. Ouais. Bon, Benfica Lyon, alors, Benfica évidemment. Moi je mets sur Lyon. Non, Benfica, on devait parier avec toi. Et oui, mais moi j'attends, l'autre s'est servi à midi. Tiens. Je peux te donner le fric maintenant? Je me suis servi, vous m'avez dit viser sur Lyon, j'ai misé sur Benfica. Oh, le Lyon, Paris. Mais arrête! Me défais pas, mon souci. Et puis il y a d'autres matchs également ce soir. Il y a Apoel Tel Aviv qui joue ce soir. Face à Schalke 04. Il y a également Valence, Glasgow Rangers. Il y a également Bursaspor avec Manchester United. Et maintenant, grâce à Mickaël la dernière fois, Bursaspor, on sait que c'est en Turquie. Aïe! Ah, c'est eux en Turquie? Putain, mais c'est ce qu'il avait dit. Burska. Ah ouais. Bon, qu'est-ce que tu fous, Émilie, là? T'es en train de faire pareil, ou quoi, là? Mais il me bagarre. Eh ben, fais-le en silence. Il me bagarre. Bon, et puis il y a Copenhague qui joue face au Barça également. Et puis Rubin Kazan Panathinaikos. Voilà, et ça se joue en ce moment. Et c'est toujours 0-0. Et c'est bientôt la fin du match. Voilà, comme ça tout est dit. Bon, on mettra pas mal de sons ce soir, évidemment. On aura aussi des places à vous filer pour Bruno Mars et Travis McCoy. Ce sera mercredi au nouveau casino. Il y a des places demain également pour. Ouais, ce sera pour Sum 41. Ce sera l'Élysée Montmartre. Oh, et ça, c'est dimanche. Aïe, pardon. Non, parce que dimanche on est là exceptionnellement, juste pour te faire chier. Ouais, putain, non, mais voilà. Et on fait une émission spéciale Sum 41. Voilà, on va parler que d'eux, on va écouter leur musique. Ah, ça c'est bon. Et moi dimanche je serai avec mes joueurs dans les vestiaires. Non, parce que vous allez être refoulés, hein. Ils prennent pas de supporters marseillais. Non, mais je serai dans les vestiaires. Non, la perruque c'est dangereux. Ouais. Ça peut étouffer les joueurs quand ils jouent. C'est ça. Bon, on aura des places aussi pour Soprano. Et ce soir on reçoit un groupe de rock français, c'est Hangar. Alors si vous n'en avez pas encore entendu parler, eh bien vous pouvez aller voir dès maintenant sur Google par exemple ou sur YouTube si vous voulez voir à quoi ça ressemble. On aura des places aussi à vous filer pour le concert de Hangar. Ce sera donc tout à l'heure. Restez là d'ici. C'est à la maroquinerie. D'ici quelques minutes à la maroquinerie, exactement. Le 17 novembre. Allez baiser dans les chiottes. Mais il me tape, il essaye de m'enlever ma robe et de me toucher. C'est ce que je dis. Allez baiser dans les chiottes. C'est dur d'être sexy tout le temps, quoi. Mais alors, laisse-toi faire, toi aussi, non? Oh, calme-toi. Pourquoi ta voix elle va plus fort que la nôtre? Pardon? Parce qu'il a envie. Pourquoi ta voix elle va plus fort que la nôtre? Je ne sais pas. Il a poussé son potard à fond là. Non, je viens de le baisser le. Non, est-ce qu'on peut demander au soublaire qui prend les photos. Il a pas la machine, il a pas un truc sur sa voix c'est là, nous. Donc du coup ça fait bizarre. Il faut que le soublaire écoute le bordel là et qu'il règle ça parce que c'est bizarre. Bon, ce soir on aura l'occasion de passer Usher avec DJ Gollas Falling in Love, Usher avec Pitbull évidemment, il y aura Pink. On mettra aussi ceux qui étaient en concert et qui étaient par téléphone avec nous hier soir. C'était My Chemical Romance, il y aura Mike Posner qu'on aura l'occasion de passer également. Fredo, comment ça se passe? Vous racontez votre life là? L'autre il est là. Fredo, il est excité là. On est à l'antenne. Là, il parle. Mais on l'a pas vu de la journée, c'est vrai. Ah bah donc, moi j'ai payé à bouffer ce midi, ça m'a coûté un bras. J'ai dû faire la pute. Oh, Superman, t'es trop beau. Et la chemise avec les pressions. Et puis le t-shirt rouge en dessous. Il est beau le t-shirt. Ouais, bah. Il est sain mais beau. Tout est bizarre. Il est rouge quoi. Il est bizarre. Je peux enlever le pantalon maintenant? Bon, je trouve qu'il est pas terrible, hein, mais après. Oh, c'est gros poil. En fait, elle a voulu faire genre. Oh, c'est gros poil. Elle s'est rappelée que c'est son boss. Elle a fait genre, c'est sexy. Tu me fais mal, Fredo. Il y en a ras la casquette là. Ah, oh, la casquette. Avec ses expressions pourraves aussi. J'ai décidé de plus dire de gros mots. Elle a bien raison. Bon, je veux TF1. Ouais, TF1. On a le match ce soir là. Benfica Lyon là. C'est dur quand il même. Gueule dessus là. On attend émission. des retours. Mais de toute façon, il arrête pas de parler. À mon avis, il a pas d'amis ce soir, donc du coup, il s'est pas volé. Peter Lutz également. Et puis, Kesha, qu'on aura l'occasion de passer. Le Corse, je veux la télé. Eh oui, il faudrait déjà savoir où est la télécommande. Et après, je te la mets. Tiens. Il a toujours réponse à tout. Attends, elle est allumée la télé là. Il faut juste mettre la Freebox. Non, mais allumée la télé là. Il faut juste mettre sur le bon canal. Ça, d'accord. Il a passé un bon week-end le Corse. Hier soir, t'étais en forme. C'est ça qu'il faut faire. T'es en mode économique. On s'en fout. C'est bon qui paye, mais à fond de balle. Ah ouais, c'est bon ça. Mais en extérieur free, je crois que c'est le 5. Extérieur 5, non, attends. C'est marqué normalement. Free, voilà, bouge plus. J'ai pas payé. Bouge plus. De quoi, la Freebox? Oui, bon, t'as l'habitude. Il a payé que la chaîne de cul. Attends une seconde. Et après, la chaîne TF1, une. Non, bah, j'ai mis TF1. Une. En attendant, TF1, vous avez fait des cauchemars hier ou pas du coup? Les cauchemars, moi j'ai rêvé de toi donc. Moi j'en ai fait un ce matin, on va y arriver. Donc non, t'as dit? Non, j'ai rêvé qu'on baisait ensemble. Ah ouais, c'est dur ça. Non, ça va, c'était cool. Ah ouais? Arrête! Putain! Il a trop eu qu'est-ce qu'elle est relou. C'est moi qui suis relou alors que je me fais agresser. Putain. J'avais le Corse qui me dit Michael, c'est bon, alors que c'est sur un écran 45 pouces et je vois le truc derrière. Qu'est-ce qu'il me dit à l'oreille? Le Corse, tu peux le foutre dehors. Je sais ce qu'il t'a dit là. Il t'a dit sus Mika parce qu'il a entendu ta tête. Ah non, mais il me dit des trucs hyper porno. Je suis choqué, mais frère quoi. Président, pourquoi vous l'amenez pas là-bas, vous la baisez pas là-bas? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a dit un truc horrible. Faudrait lui allonger le sexe pour ça. Quel bruit. C'est le premier à dire que ça gueule trop et qu'on comprend rien de ce qui se passe. Ouais. Et l'autre, elle écoute même pas ceci. Hein. Hey, la gogole là. Qu'est-ce qu'il a lui? Il a un problème. Ton iPhone, tu vas te mettre dans le cul demain. Non. Et tu vas remettre ta carte SIM devant également. En plus, avec son pull, là, on dirait qu'elle a pris 100 kilos là. Oh, mais va te faire foutre, toi. C'est madame Moscouri. Elle est très belle, ma bête. Ah, excusez-moi, j'ai un. Avec son espèce de. J'ai un message d'un amoureux. Ouais, c'est ça, ouais. C'est dur. Oh, ça, mon amour, je l'aime. Oh là là, quelle horreur. Si m'écoute, je t'aime. Ouais, mais bon, voilà, comme ça, vous savez ce qui va se passer. On salue également ceux qui sont connectés ce soir. Il y a Alexia, il y a Ami, il y a Pauline, il y a Mickaël, il y a Tania également, il y a Corentin, il y a Cassou, il y a Hello, il y a tous les autres qui sont connectés sur Mickaël officiel. facebook.com/MIKL officiel. Voilà, et puis on parlera également d'un truc qui s'est passé, qui ne peut se passer qu'en Belgique. J'en ai parlé ce matin à la télé, mais il y en a pas mal, à mon avis, qui ont dû l'entendre. C'est un embouteillage monstre qui a eu lieu, c'était dimanche, je crois, ou hier, je sais plus. C'était dimanche, je crois. Entre Bruxelles et Gand. Donc Gand est une ville pas loin de Bruxelles. Et donc il y avait 5 km de bouchons un jour férié, alors que d'habitude il n'y a jamais personne. Ouais. À votre avis, pourquoi? Donc c'était demain, hier. C'est marqué, c'est genre en mode comme Coluche avec la vanne Pas-de-Calais. Non. Qui sont fait une marche à rien. Non. Oula, va pas chercher chez moi là. C'est je crois que j'ai vu l'info. Je peux pas le dire. Il n'y a pas eu marqué un truc sans plomb et du coup. Non. Ah, je sais. Non, c'est pas ça, non. C'est une vanne? Ouais. Non, c'est pas une vanne, non, c'est vrai, hein, pour le coup. Hein, mais pourquoi il fuyait quelque chose? Il voulait aller. C'était une promotion qu'il y a eu. Un en burger. Fait. C'est un grand magasin qui a fait une promotion et donc il voulait y aller. Mais à votre avis, qu'est-ce que c'était la promotion? Ikea. Des frites pas chères. C'était Ikea, effectivement. On s'approche. Et c'était de la nourriture. C'était de la nourriture. Des frites. Non. C'était 5€ le repas. Pourquoi chez Ikea? 5€ le repas. Ouais, il faut manger. Ouais, ils ont des restos. Oh, mais sors de là, là. Sortez-le de là, là. J'en ai trop mal. Je suis martyrisée. J'ai envie de chialer. Il vient, il me prend la tête parce qu'il m'aime. Oh mais laisse-moi vivre. Il a un problème. C'est très très dur quand même. Je vais lui choper les couilles. Un matin il a fait pareil hein. On peut pas faire l'émission comme on veut là. Et bon, on pourrait pas mettre Fredo à poil. Mais ça me fait mal à la tête Fredo. Du coup, qu'est-ce qu'on disait dans l'émission? Je ne me souviens plus. Est-ce que c'était du caviar? On parlait du record. Ah oui, le record. Enfin, c'est pas un record, hein, mais. Non, pardon. Qu'est-ce qu'il a bien pu se passer? Alors, ils ont proposé un menu à 5 euros et à l'intérieur de ce menu, il y avait des aliments super chers, tels que. Tel que du il y a des invités. Putain, ferme la porte, j'en supplie. Ah bah oui, on va la fermer la porte. Mettez-vous derrière. Ouais, c'est le groupe qui est là. On les aura d'ici un petit quart d'heure. Bon, du coup, bon, vous savez quoi, je vais dire moule frite parce que sinon on va pas s'en sortir. Ça va durer 2 heures. Non, mais c'est ça. Bah, il est déjà à 5 euros. Oh putain, 5 euros la moule frite. Le mec, on dirait Jacques l'éventreur. Il est malade. Fredo, putain, j'en ai... Mais faut tuer Fredo là. Oh mais il faut l'assassiner. Ça me fatigue. Le mec est le boss de la radio hein. Mais il m'a brisé des os de la tête quand même. Moi il m'a touché les seins en même temps. Ah bah il a bien eu de la chance hein, puisqu'il fallait y arriver hein, depuis que t'as pris ton poids là avec Mais va te faire voir, c'est mon pull qui est comme ça. C'est un pull parachute et je t'emmerde. Ah bah c'est plus que parachute ça, c'est à dire que là on peut faire atterrir 2-3 personnes. Bah ouais, bah comme avec ton bide connard. Sauf qu'elle s'attaque à quelque chose qui n'est pas là. C'est vrai. Ouais, ça c'est vrai. Il est peut-être pas devant, mais il est passé dans ton cul. Hein. Non, je vais pas me plaindre de ce côté-là non plus. Mais en même temps, je t'aime. Mais 29 quand même, c'est une violence. Je suis pas franche parce que je suis amoureuse de Mickaël. Ouais, tu n'auras jamais rien. Non, mais c'est vrai que t'as un sale pull, Cécile. Non, mais il faut que tu me avec une sale gueule. Tu peux me dire qu'il est beau. C'était drôle. Merci, Jérémy. Tu peux dire qu'il est beau. Il est beau ton pull. Bon, allez, on se met un petit peu de son. Et qu'est-ce qu'on va se mettre d'ailleurs en premier là? Attends que je regarde. Bruno Mars. Attends, bah Nelly, tiens. Ah bah voilà. Toujours me faire chier quoi. Nelly avec Just a Dream maintenant, et puis on reviendra juste après avec vous toutes et vous tous comme d'habitude. Ça se passe aussi avec Vincent qui est au standard ce soir au 01 55 64 13 24. Si vous voulez participer à l'émission, si vous avez vu un truc aujourd'hui, si vous avez non, on a pas repris les cours encore aujourd'hui. Donc si vous avez juste envie de parler avec nous, bah n'hésitez pas. 01 55 64 13 24. Oh dis donc, je ne m'entendais plus à un moment. Ouais. Elisabeth, c'est bizarre. Je croyais que t'allais crier ça. Allez Nelly maintenant, c'est Just a Dream sur Goom Radio. C'était Nelly à l'instant avec Just a Dream sur Goom Radio, et puis c'est la fin du match là dans quelques minutes pour Rubin Kazan face au Panathinaikos. C'est toujours 0-0 hein, donc un match un peu relou. Et puis il y a de la Ligue 1 aussi avec Monaco Bordeaux, c'est un partout maintenant pour les Monégasques et les Bordelais, donc ça se relance enfin. Et puis ça se défend. Bah ouais, et puis ce soir il y a encore d'autres matchs, ça commencera d'ici une petite demi-heure maintenant. Benfica Lyon, Hapoel Tel Aviv aussi face à Schalke 04, Valence Glasgow Rangers, Bursaspor Manchester United, Copenhague, Barcelone, entre autres, hein, il y en a encore d'autres des matchs. On aura l'occasion de suivre tout ça, bien sûr, en direct à partir de 20h45 pour les matchs retour de la Ligue des Champions. Voilà, et les prénoms, on va en parler dans quelques instants. Là, ce que veut dire votre prénom, si vous voulez qu'on fasse ça sur le vôtre, bah vous nous demandez. Hein, on a l'application là ici qu'on a téléchargé tout à l'heure. Donc vous nous donnez votre prénom et puis on vous dira ce qu'il veut dire. En tout cas, j'ai regardé pour le mien, c'est bien. Hein. Ah bah pour le mien aussi du coup. Ah alors. Bah pour le tien aussi. Bah, je vais dire directement. Tiens, attends. Cool. Alors attends, Mickaël, donc. Certainement qu'on est grand et beau, je pense. Non, la fête c'est le 29 septembre, donc ça on s'en fout un petit peu quand même. Hein. Signifie qui est comme Dieu. Et c'est tellement vrai. Bah voilà. Elle avait un peu. Mais lequel de Dieu? Hein? Ah bah le Dieu, si c'est pas précisé, c'est le Dieu. Tu vois, c'est pas un particulier, on est Dieu, on est au Dieu, le Dieu des dieux en fait. Non. Voilà la description, donc ce sont des durs et des casse-cou, bons vivants ou demeurants, fort sympathiques. Et oui, t'as vu, nous sommes sympathiques tous les deux. Ils s'entourent souvent de nombreux amis, d'esprit ouvert et accueillant, ils savent aussi préserver leur jardin secret, rusés, et oui, leur moralité fluctue souvent en fonction de leurs intérêts, c'est vrai. Y a pas marqué qu'ils sont chiants, attends une seconde. Ils sont assez autoritaires et aiment commander, peu patients, ils manquent parfois de diplomatie, c'est vrai, insouciant, ils font confiance à la vie et à la chance. Gardez la preuve, hein, tous les vendredis, je suis persuadé d'avoir gagné l'euro million. C'est dur ça, à chaque fois, c'est le drame. Donc, non, c'est pas mal, hein, c'est Mika. Ouais, moi je trouve que c'est assez vrai. Ça me paraît, ça me paraît pas mal. Mon prénom. Attends, on va taper avec. Josiane, parfait. Ouais, parce que j'ai pris Emily pour la radio, mais. D'accord, ok, donc Emily. Alors, date de naissance, c'est quoi encore? C'est de. Tu veux me faire un cadeau? T'es trop mignon. Non, pas du tout, c'est parce qu'on me le demande pour le programme. Hein. Le 2 mai. Quel siècle? 80 combien? 3e, mais avant Jésus-Christ. 80 combien? 5. 85, c'est dur. Ah, t'es 85? 85, ouais. Hop, recherche. Alors attention, Émilie ou Émilienne? On va prendre Émilie. Hein. Émilienne, c'est plus joli. Alors, signifie émule. Ah, le truc de téléchargement. Ouais, c'est ça. C'est écrit pareil. Alors, le caractère. Déjà, ça commence très très mal. Hein, le caractère d'Emily, donc. Un peu soupaulé. C'est ça. Boum! Mais c'est vrai que je suis soupaulé un peu. Oh bah, je te confirme, ouais. Très émotive, elle réagisse au quart de tour, elle manque un peu de confiance en elle, c'est vrai, qui les rend parfois agressives. Attendez, j'ai fini. J'ai pas envie de faire ce jeu, il est nul. Elle se réfugie souvent dans leurs rêves pour échapper à la réalité. C'est ça! Ou la drogue. Ou la bouffe, hein. Sensible. Attendez. Sensible, coquette, très féminine, leur charme dévastateur. Ça, non, ça c'est vrai, ça. Affecte leur vie sentimentale qui est un peu en dents de scie. Ça c'est vrai, mais parce que je suis trop belle, tu vois. Non, c'est fou, parce qu'elle a du tartre et du coup c'est dents. Sur la fin, pour le coup, c'est un peu un échec, hein, quand même, faut dire. Hein. C'est fini là. C'est déjà pas mal. Attends, c'est pas mal. C'était énorme, mais c'est vraiment ça. Le début, bon, c'est toi. On fera le jeu tout à l'heure et j'ai vraiment une grande impatience pour le Corse. Ouais. Quand on va faire celui du Corse, on tapera pas le Corse, évidemment. Fred. Voilà, il s'appelle Fred ou Frédéric. Frédéric. T'as un prénom Corse ou pas? Frédéric. Non. Frédéric. Y a pas de prénom Corse, genre. Ou être une traduction, enfin, bon, genre Ange. Afredou. Non. Afredou. Afredou. Afredou. Y a pas. Ok, très bien. Non, dis pas. Bon, voilà, si je te pas. Casse pas la gueule, hein. C'est ça. Je suis sûr que Pierre, c'est nul comme non. On va voir. On va tester tout à l'heure. T'es fait déjà, te rappelles pas? De quoi? Ce jeu-là, ça fait longtemps que ça existe. Ah oui, les deux, on l'avait fait. Avec Cécile, et c'est trop vrai. Et Émilie, c'était exactement. Ah, parce que vous avez fait ça hors antenne, donc. On n'a rien à faire de nos vies en ce moment. Effectivement, ouais. C'est Zik qui marque quand même émule, dur. Non, mais émule, ça veut pas dire ça, quoi. Mais si, ça veut dire ça. Bon, il y a Antoine aussi qui donne son prénom. Oui, parce qu'il faut le prénom et la date de naissance. Alors, je sais pas pourquoi il faut la date de naissance, mais le programme le demande. Donc, si vous voulez tenter le coup là sur Facebook, alors je pourrais pas faire tout le monde évidemment. facebook.com/mikl officiel. Voilà, donc on aura l'occasion tout à l'heure d'en reparler, notamment avec le Corse, avec Pierre, avec Cécile. Oh, je vais faire avec Fredo. Je pourrais également me la donner, j'ai des prénoms à faire là. Non. Fredo, ça va être dur, alors. La description. Ah, bah non, c'est surtout la même que la tienne. Bah oui, c'est ça. C'est Frédéric, lui. Frédéric, quand même, avec un C ou un Q. Toi, c'est Q, comme les Q. Non, moi, c'est C. Il a un Q, quoi, mais. Non, mais c'est C aussi. Avec C aussi. On peut essayer avec Moïse, sinon. Ah oui, c'est vrai que c'est son deuxième prénom. Effectivement, ouais. Ah, mais il faudrait voir avec le deuxième prénom, parce que ça se trouve, c'est ça. S'il faut, ça diffère. Ça se trouve, c'est totalement l'inverse, en fait. Je sais pas très bien. Tout ça pour que je dise que je m'appelle René, donc. C'est vrai. Très dur. Oh, putain, ça va, René Zellweger. Ouais, y en a René, le mari de Céline. René du Corsica Show. Ouais, après il y a René du Corsica Show aussi, c'est très compliqué pareil. Hein. C'est mon grand-père, c'est pour ça, c'est en dommage. C'est pas grave pour. Ton grand-père. Mais non, je disais c'est pas grave comme tradition. Oh là là. Bon, en parlant de Pierre, justement, on fera tout à l'heure les appels, la journée internationale. Ce sera quoi ce soir? De la danse et puis l'appel X, la brigade du sexe. Ah, très bien, l'appel coquin sera tout à l'heure la brigade du sexe. Donc très bien, on fera ça tout à l'heure, il n'y a pas de problème. Et donc, ce soir, on reçoit le groupe Hangar qui est là déjà au taquet. Hein. Il a eu de la chance puisqu'ils ont reçu à boire. Il a eu de la chance. Ouais, parce putain, que dalle, hein, toujours pas quoi. Vous avez eu ça où, dans le bureau là-bas au fond? Dans le bureau là-bas. Ah, oh, chanceux quoi. C'est ouvert encore. Un peu ce coup de bol là. Tu sais qu'on a plus le droit de prendre les canettes qui se trouvent dans les toilettes. Hein. Dans les toilettes. Je me suis engueulée. Tu as laissé des canettes? Bah, vous êtes con, vous m'avez jamais radi. Ah, c'est trop mignon. Parce qu'on avait pas envie. Non, pas des canettes, des bouteilles d'un litre. Ah, bah c'est pas grave, encore mieux. Mais j'en ai apporté plein. Ah, bah non, mais je pensais que c'était des bouteilles que t'avais. Non, mais je me suis fait engueuler, j'ai plus le droit. Oui, mais c'est pas grave, qui a gueulé? C'est France. Et j'ai dit que c'était toi. France, elle m'a dit, c'est normal qu'il reste qu'une seule bouteille de coca. Bah, la France, le problème, c'est quand je lui parle, je la vois même pas, quoi. Elle est trop basse. Oh, c'est drôle. Non, mais c'est vrai. Attends, c'est vrai. Vu la taille, elle est quand même très très petite pour le coup. Hein. Il faut quand même dire les choses. Oui, bah dans le micro, c'est. J'ai vu une meuf. Je suis sûre qu'elle bat le record de l'autre portoricain là où je sais pas trop quoi qui fait l'homme le plus petit du monde. 34 centimètres. J'ai vu une meuf. Elle était, mais je sais pas. J'ai cru que c'était un. J'étais arrivée chez les Minimoys en fait. C'est-à-dire qu'elle m'arrivait à la cheville. Enfin, au mollet, quoi. C'était pas un aussi, hein. Et là, j'ai voulu la prendre en photo et on m'a dit, ah, t'es dégueulasse. Bah, c'était la fille. C'est pas bien, Mathilde. Ça. Hein. Tu fais ça. Tu prends en photo les gens, toi. Bah, j'y vais. Ça se fait pas, ça se fait pas. Bon, voilà, Hangar qui viennent de se brancher. Comment ça va, les gars? On va mettre un son dans un instant. Vous allez pouvoir être tranquille pour préparer. En pleine forme, donc, on vous a vu. Vous êtes passé déjà à la radio tout à l'heure aussi, d'ailleurs, hein, où j'ai pu faire connaissance avec vous. On s'installe ici. Et bah, exactement, mais vous avez bien raison. Hein. Pourquoi il y a un son dégueulasse, le Corse? Ça fait bzzz. Son de Corse. Il me dit non. Non, je t'ai pas dit. Tu m'as demandé pourquoi. Je t'ai dit aucune idée. Ah d'accord, ok, très bien, parfait. Alors faites attention parce que effectivement le Corse est un peu agressif comme ça, même si au fond il est gentil, hein. Mais si vous lui posez une question, posez-lui une question n'importe laquelle. Ça va? C'est de la pire celle-là. Comment ça va? On s'en fout, et toi? La question, quoi. Tu vois? Ouais. Comment ça va? Ça va et toi? Tu vois? Et il est content là. Moi je trouve ça plutôt accueillant. Ah bon? Ouais, c'est parce que t'as peur des bombes. Non, mais nous on vient du sud-ouest quand même. On est content ou pas? Ouais, non. Bon, allez, non. Le groupe Hangar qui est avec nous ce soir, si vous avez des questions, il y a déjà quelques-unes qui sont tombées tout à l'heure là par mail, eh ben allez-y, hein, vous envoyez ça sur mikl@goomradio.com. Il y a Vincent également qui est au standard ce soir jusqu'à 23h, ça se passe au 01 55 64 13 24. Bon allez, on se met un petit... Il y a un son là quand même. Moi, je, dans mon cas, j'entends rien. Ne crie pas, c'est pas grave, m'agresse pas, j'ai rien. Mais je t'agresse pas. Je t'ai dit, dans mon casque, j'entends rien. Après, tu peux peut-être un son dans ton casque à toi, je sais pas. Ah bah, ça va dans mon casque, alors. Je vais demander au soublier, alors, c'est pas grave. Bon, alors, on se fait péter le son de Cher, maintenant, Cher et Pitbull avec DJ Goddess Falling in Love sur Goom Radio. Eh oui, Cher et Pitbull, à l'instant avec DJ Goddess. Ouais, c'est dommage, le micro était pas allumé, mais. Falling in Love again. L'intention y était. C'était comment? Le corse, le titre? C'était DJ Got Us Filing A Gun One Is Coming For. C'était à peu près ça, hein, mais okay. Bon, c'est bien, il essaye, le corps, c'est le principal. Il faut essayer, effectivement. Bon, nous avons le groupe Hangar qui est avec nous ce soir. Comment ça va, les mecs? Ça va bien. Bon, alors, malheureusement, il en manque un petit peu. Attends, on t'entend mal. Le corse va arranger ça immédiatement. Voilà, ouais, tu disais? On est que deux, là, sur six. Deux, oui, bah oui, j'ai remarqué ça, effectivement. C'est la base, quand même. Ouais, c'est vrai, disons que le principal, le cocon principal est là, quoi. Les fondations du regard sont là. Et les pièces rapportées, bon, sont moins importantes. Non, mais attention, c'est pas les pièces rapportées, c'est la charpente, c'est tout ce qui va avec. Et c'est très important, quand même. D'accord, oui, non, mais c'est vrai, effectivement. C'est même... Bref, tout ça pour dire que si un jour, éventuellement, le groupe devrait splitter, tant qu'il reste ces deux-là, ça tourne, quoi. Non, c'est dit. Le truc de bienvenue, bonjour. Voilà. Bon, vous allez splitter peut-être un jour. Donc voilà, donc Hangar qui sont avec nous ce soir. Donc effectivement, normalement, vous êtes nombreux, vous êtes six. Alors, qui fait quoi au juste? Donc là, à côté de moi, il y a Romain qui a la guitare. Ouais. Bonsoir. Après, qui ne sont pas là, il y a Beru qui fait du saxophone, Pierre-Marie, Pierrot qui fait de la batterie, Florent qui fait de la guitare aussi, et Nico qui fait la basse, et moi-même qui chante. Très bien. Donc, Antonin, en l'occurrence, un petit peu comme le chanteur de... Eh oui, j'ai oublié le nom. C'est dommage. Pony Run Run. Ouais. Voilà, c'est ça. Il s'appelle Antonin aussi. Il s'appelle Antonin aussi. Ouais, voilà, exactement, tout simplement. Bon, comme quoi, tu vois, finalement. Hein. Bon, alors déjà, première question qui est venue, assez souvent. D'où vient Hangar? Le nom. C'est pourquoi Hangar? D'un lieu qui est à la pointe du Cap Ferré, qui a une grange en bois en pin des Landes, donc faite que mon père avait dessiné, qui est un garage à bateaux. Qu'on a monté avec mon frère, qui est vraiment c'est un atelier à la base, mécanique, menuiserie, on faisait des bateaux et tout ça. On met la mécanique pour bateaux, on fait plein de choses, quoi. Et il était juste au bord de l'eau. Et puis nous, on a fait le groupe il y a 6 ans dedans, à l'étage, il y a toute une pièce de plein pied. Et on s'est fait un studio de répète dedans, on a fait le groupe. Et on s'est retrouvé là-dedans depuis 6 ans à jouer. D'où le nom Hangar, parce que c'est notre port d'attache. Et c'est là que le groupe s'est fait. On était avec Romain en train de brosser les tuiles qu'on a mis sur le toit, qui sont des tuiles de Gironde, des tuiles faites à la main. Et il y a 12 000 tuiles sur le toit du Hangar. On a frotté 12 000 tuiles parce qu'il y a 400 mètres carrés de toiture. Oh putain, la violence, 12 000. Et puis quand on en chie comme ça, c'était en plein hiver à nettoyer les tuiles avant de les poser sur le toit. Il y avait ma madre qui était là. Il faisait la soupe à midi. Et puis un jour on cherchait un peu le nom du groupe, on se cherchait encore. Et puis elle a dit, mais appelez-vous Hangar. Vous avez assez bossé dessus, quoi. Appelez-vous Hangar. Elle nous a presque engueulé, mais enfin c'est évident. L'évidence, tu sais, tu la vois pas forcément. Tu la vois pas forcément, l'évidence, en premier. Non, c'est clair, mais c'est vrai qu'après, il fallait qu'on s'appelle Hangar. Il y avait 6 lettres, 6 musiciens, il y avait l'endroit, il y avait tout. D'accord. Il y avait tout pour qu'on s'appelle Hangar. Ah bah écoute, on n'a pas eu le choix. Si, vous avez le choix, mais bon, au final, c'est bien d'avoir trouvé le trouver le nom quand même. D'ailleurs, en parlant de Girondins, ils perdent là pour l'instant, hein, face. Ouais, face mais à ça, Monaco, ça, moi, ça me touche pas. 2-1. Non, moi, je suis pour les Corses. Ah, t'es pour les Corses. Bien, il est bon le petit. Là. Il est bon le petit. Y a pas de problème, t'inquiète pas. Là. Bon, il y a un message qui est arrivé de Pauline qui dit salut Mike, j'avais une question pour Hangar. Je voulais savoir comment ils avaient géré les problèmes de son, coupure de micro et grésillement lors de la première partie de Julian Peretta. En tout cas, je les aime. Ben voilà, pour le message de Pauline. Ben Hangar, il y a souvent des trucs comme ça. C'est bizarre. Il y a comme un petit truc qui nous suit au-dessus du hangar comme ça. Et au concert de Julian Peretta, effectivement, il y a eu un moment, il y a une espèce de d'explosion à Larsen énorme. Ah, merde. Mais nous, on est sur la scène et on le sent moins que le qui public. Qui a rendu tout le monde sourd, d'ailleurs, voilà. Hein, ce qui est moins pratique et aujourd'hui. Et en fait, nous, on a nos retours, donc on a l'impression que ça va. Ouais. On joue, on a notre son, et en fait, dans la salle, il n'y a plus de son, en fait. Ah merde, donc on est là, on est là, ouais. Puis d'un donc coup, ceux tu vois du les... premier rang, ils entendent à peu près, et puis les autres. Donc, tu vois les mecs qui sont chauds pendant le concert, et d'un coup, ils sont un peu moins chauds. Puis tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Bon, il y a eu quand même un bruit bizarre. Et en fait, il n'y avait plus ma voix et tout ça. Nous, on continue à jouer, quoi, comme si on était en train de. Mais enfin, on a l'impression que ça. Et puis finalement. C'est revenu. Ouais, il faut faire avec, ça fait partie du jeu. C'est important, un live. T'es pas là pour écouter un disque quand tu vas voir un non, concert. Non, mais bien sûr. Là, bah, y a après, des t'es aléas. Là pour entendre quelque chose aussi. Hein. Bah, ouais, non, mais par exemple, si l'ingé son nous avait fait un signe de genre arrêter, tu peux continuer en acoustique, tu vois, tu continues ouais, avec ouais, guitare. Ouais, bien sûr, bien ça sûr. M'aurait fait marrer aussi. Après, là, nous, on avait 25 minutes pour jouer, c'est une première partie, on l'envoyait, on était là. Et on s'est même pas rendu compte qu'il y avait plus de son en face. Bon, alors 25 quoi. Minutes, faut qu'on fasse une vingtaine de disques, hein, pour qu'on les entende tous, faut tout caler, hein. Donc ça va bien se passer. Non, mais c'était, ça va. Pas stressant. Enfin, sauvé quoi, au final, ouais. Ça s'est bien passé. Bon, il y a Pauline, comme ça tu sais, il y a Audrey aussi qui a envoyé, qui dit, regarde, juste un groupe que j'aime plus que tout, ils me font rêver. Bah, dis donc, c'est bien, c'est pas mal. Ah. Et alors, Cécilia qui dit, demande-leur d'où ils viennent exactement dans le sud-ouest, s'il te plaît. Ah ben on vient du bassin d'Arcachon, il y a la moitié du groupe en gros qui vient du Cap Ferret, donc qui est à la pointe de la Presqu'île, sur le bassin, et les deux guitaristes, le binôme de guitare, ils viennent du fond du bassin, Cassis. D'accord. Et alors vous êtes quand rencontré comment juste avant? On s'est rencontré il y a 6 ans. Pote de l'époque ou Romain qui est à côté de moi. Je laisse même pas parler d'ailleurs. Il a enlevé son casque. Qui fait la sieste. Donc Romain a rencontré, ils se connaissent, les deux guitaristes Romain et Florent se connaissent depuis qu'ils sont tout petits en primaire. Mm-hmm. Moi je connais le saxo aussi depuis pareil la primaire. Si tu veux, Romain, Florent et le bassiste avaient un groupe. Yeah, ouais. Moi j'avais aussi un groupe entre guillemets. Et le batteur et le saxo avaient aussi un groupe. On s'est retrouvé à une fête de la musique. Et voilà, à jouer au ferré comme ça, et puis finalement, coup de foudre, rencontre des gars et tout ça, et puis le lendemain, on se retrouve dans le hangar. Ah bah voilà, et, déjà, il était là, lui. Et puis on jam, et puis c'est parti comme ça. D'accord. Petit à petit, ça s'est construit. Très bien. Hangar, ouais. Bon, encore d'autres questions, notamment un petit quiz dans un petit instant pour mieux vous connaître, forcément, pour ceux qui viennent de débarquer. Amis, premier son de ce soir, là, vous allez, lequel vous voulez faire, le single, parce que j'ai loupé devant moi, hein, version originale ou, ouais? Ouais, on peut faire celui-là en mode acoustique, ça change un peu, c'est marrant. Ah non, j'aurais préféré que tu la fasses en full live batterie, tout le bordel. Ouais, mais ça, je peux aussi parce que je suis bon en beatbox. Ah, bah voilà, nickel, tu vois quand tu veux. Bon, allez, le live maintenant donc de Hangar. Pour ceux qui ne connaissent pas, bah tendez bien l'oreille. Et puis vous nous donnerez vos avis juste derrière maintenant. Le titre, c'est version... non, je chante pas. Version originale maintenant en live sur Gaume Radio. C'est parti quand vous voulez, les gars. Yeah. Devant la mer, elle s'étale du vent de l'air. Au premier plan, elle s'assoit sur mon bateau en bois. Je l'emmène au bord de l'eau faire l'amour en veillant, car elle sait, je ne sais pas vivre ma vie autrement qu'en version originale. Elle veut rêver, elle veut vivre, dériver sur un bateau ivre. Mais quand vient le jour, après l'amour, y a des histoires qui coulent, qui courent. Alors je l'emmène là-bas sur l'eau. Je lui fais l'amour en réel, car elle sait, je ne sais pas vivre ma vie autrement qu'en version originale. Ouais, tu sais, je ne sais pas vivre ma vie autrement qu'en version originale. Elle dit que c'est tellement plus beau de voir la vie en VO. C'est tellement plus beau de voir la vie en VO. Original sur Goom Radio avec des messages qui sont arrivés aussi. Pas mal de messages d'ailleurs. Il y a Audrey qui dit question pour Hangar, est-ce qu'ils ont un rituel avant leur concert? Ah. Vous avez un rituel avant le concert ou pas déjà? Très secret. Genre vous faites brûler l'ingé son Non, rituel, nous ça rime avec bordel. Bon, en général, c'est jamais pareil, ça dépend des endroits, des humeurs. Autant vous cassez pas la guitare avant. T'imagines, on est 6. Ça peut arriver. Ça peut arriver, mais il vaut bien avoir un plan B pour le coup, quand même. Non, mais c'est marrant. Pas vraiment de rituel particulier. Ça dépend des moments. Voilà, c'est bon, très changeant. Ça dépend l'endroit, quoi. Ouais. D'accord. Bon, il y avait aussi. C'est vrai que c'est assez gai en général. C'est pas trop angoissé. C'est pas genre on est assis à faire des. Pas de yoga, tout ça. On peut aller jouer, on jam, on fait les cons avec une guitare, on se tape dessus. Et il y a Monica après, aussi qui a demandé comment est-ce que vous êtes arrivé à faire la première partie de Julien Peretta. C'est vous qui avez fait les démarches, c'est lui qui est venu vous chercher. Comment ça s'est passé? Il nous courait après carrément dans la. Ouais, bah on l'a reçu il y a 2 semaines et c'est vrai qu'il nous a dit putain, c'est un groupe, je veux absolument les avoir. Je dis bah oui, mais bon mec, qu'est-ce que. Attends, il est venu en France apparemment grâce à nous, c'est ce qu'il se dit en France. Ah, tout à fait, non, mais bien sûr, ouais, il a commencé à chanter d'ailleurs grâce au Hangar. Non, mais c'est vrai. Non, non, écoute, c'est. Je crois qu'on travaille dans la même zonzon. D'accord. Dans le Hangar, quoi. Oui, dans le Hangar. Non, ouais. On a la même. Et donc voilà, c'est grâce au fabuleux travail des gens qui nous entourent, dont on ne parle jamais assez. Sabrina qui est derrière moi. C'est ceux qui filent en règle générale des. Sabrina qui est derrière moi. C'est ceux qui filent en règle générale des albums, mais ça on en parlera tout à l'heure. Elle a certainement l'habitude. Voilà, donc c'est bien. Comment déjà compter. Très bien. Bon, il y a alors qu'est-ce qu'il y a? Il y a Cécilia aussi qui avait encore envoyé un message qui dit ah c'est quoi? Oui, c'est celle qui avait demandé d'où vous étiez exactement. Donc elle dit que c'est à deux heures de chez elle. Bon, on est ravis de la prendre. Est-ce qu'ils ont des concerts prévus dans le sud-ouest, pas loin de la frontière espagnole? Oui, tu veux pas donner le nom d'un village également? Alors pas loin de ce village là, si c'est possible. Ils viennent chez toi, ouais. Chanter dans ta chambre. Non, dans un hangar. Hein, c'est le minimum syndical. On joue à Bordeaux. Hein, Bordeaux, c'est à 2h30 de la frontière espagnole. On joue à la Rock School Barbé le 17 novembre si tu veux venir. D'accord. Et pour info, Bordeaux qui a égalisé. Ça, c'est juste parce que je vois là. Bon, l'instant, alors on n'y joue plus, Bon, alors on va faire le quiz là maintenant justement. Donc comme on vous connaît pas très bien encore, hein, pour en savoir un petit peu plus, on va faire l'interview. Qui est le plus? On vous pose une question et vous nous donnez un nom. En l'occurrence, bon, on avait prévu avec les 6 membres du groupe, mais en l'occurrence ce sera entre vous deux. Donc vous nous dites Antonin ou Romain tout simplement. Qui est le plus radin? On le développe. Ah bien sûr, évidemment. Si vous avez des petites anecdotes d'ailleurs pour prouver vos dires, hein, n'hésitez pas. Il est pas là, mais Johnny B. Good. Non, petit salut. Non. Ok, le plus radin. Entre vous deux, c'est fait. Non. On est aussi râle, hein, que l'autre. Ouais. De toute façon, on a que dalle. Mais ça dépend. Mais c'est mieux de parler des gens qui sont en fait, pas c'est là. Important parce que. Oui, c'est vrai. Mais non. Le plus radin. Non, on peut se donner. Par exemple, ça dépend si un jour j'ai du pognon. Je vais enfiler. Si j'en ai pas, je vais pas enfiler. Par contre, si j'ai de la haine, je vais enfiler gracieusement à Romain sans problème. Si t'as de la haine, je tendrai la main aussi gracieusement. Voilà. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, non, on est pas avares entre nous, comme ça va. Bon, qui est le plus emmerdant? Emmerdeur, plutôt, à la limite. Romain. Romain. D'accord, ça c'est dit. Qui est le plus moche? Aujourd'hui, regarde. Moi, je viens de me faire couper les cheveux par ma sœur, quand même, j'ai une drôle de tête. On est bien vilain aujourd'hui. Et, non, ça dépend des... Ah oui, donc ils sont tellement larmes qu'ils demandent à sa sœur de couper les cheveux. Non, ça va, Cécile, parce que là, on doit intervenir. Ouais, non, mais je regardais sa coiffure, c'est vrai qu'elle est ratée, mais non. Non, c'est pas vrai. L'avantage, c'est que c'est gratuit, hein. C'est pas vraiment. On va pas chiffrer bien quoi. Ma sœur dessine le t-shirt et fait mes coiffures, ok? D'accord. Ah, mais le t-shirt fait bon. Il est très beau. C'est attends, il n'y a pas encore Hangar. Ah, c'est Hangar. Il est très très beau. C'est Hangar, il est peint direct, le t-shirt est peint à la main. Oh, fort. Ah, bah très bien. J'ai pas d'iPhone. Et ce Hangar qui a brûlé, il a brûlé. Quelqu'un a mis le feu il y a deux mois de ça. Déjà, c'est jaloux. De quoi, les 12 000 tuiles là pour rien? C'est Julian Peretta. Ah, il est je super dormais dedans, il y a un mec qui est arrivé qui a mis le feu à l'essence, un bidon d'essence. Oh, mais non, tu dormais dedans? Je te promets. D'ailleurs, si tu m'entends, mon pote, tu vas refaire les tuiles, toi. Ouais, je dormais dedans, je l'ai entendu, le mec, et j'ai entendu une explosion, et finalement, toute la façade. Ils ont des amusements bizarres. C'est pour ça, ma sœur a dessiné le lendemain le Hangar sur mon t-shirt. Elle s'appelle comment ta sœur qu'on l'a fait ici, parce qu'elle dessine très bien. Ça s'appelle Jekero. Jekero, et elle fait les t-shirts du groupe, elle en fait plein. Et vous l'avez reconstruit sur scène, on l'a habillé avec ses t-shirts. Quoi, vous l'avez reconstruit, votre Hangar? Non, mais non, on vous attendait. Ah bah le Corse, il va venir avec toute l'île, il vient le Corse. Hein. Pas de problème. Ah, d'ailleurs, c'était un peu brûler les paillotes chez nous, tu vois. Ah oui, c'est vrai, c'est brûlé, tiens. C'est un peu brûler les paillotes, tu vois. Je vais pas m'étendre, mais tu sais, en Corse, on brûlait les paillotes sur la plage, tu sais, les... Oui, les flics, c'est brûler les paillotes. Nous, c'est pas forcément les flics, mais c'est pas très loin. Eh, mais le Corse, comme ça, brûlé, tu t'y connais, tu peux pas savoir qui est derrière tout ça, là? Tu peux pas enquêter? Enfin, il y a la crime sur le coup, mais chez nous, ils travaillent au rythme du sud-ouest. Mais je pense que ça doit être les barbouzes qui ont fait ça. Les barbouzes, d'accord, ok. Bon, qui est le plus moche? J'ai déjà dit, pardon, qui est le plus beauf? Beauf. Ouais. Mamie. Non, attends. Non, on a des surnoms entre nous. Non, plus beauf. Tu poses des questions. Tu veux qu'on sépare? C'est quoi C'est le quiz pour mieux vous connaître. Et tout le monde y passe, rassurez-vous. Non, le plus beauf, je sais pas. Franchement, on n'est pas beauf, pas beauf. Non, regarde, non, c'est pas possible. Aucun, même pas un Blair là, parce que nous on en a un, c'est Pierre. C'est Kini. Bon, c'est notre producteur. Le plus sportif. Kini, je t'aime. Ouais. Le plus sportif. Ah, c'est dur. Comme il se regarde. C'est Romain. Nous, c'est Corse. Hein. Non, c'est toi, le plus sportif. Non, c'est moi. C'est qui le plus sportif? C'est Nicolas? C'est toi? C'est qui? Ah non, c'est Beru. C'est Beru. Ah, mais non, je suis pas le saxophoniste, je suis fou là. Beru, il court, c'est genre un marathon. Il fait du marathon, quoi. Ah, c'est relou, quoi. Non, mais il nage, il fait tout, il est sculpté comme un dieu. Enfin, c'est vraiment une. D'accord, ouais. Bon, heureusement, il y en a un, alors. T'as les yeux qui brillent. Qui est le plus pervers? Ça, c'est Romain. C'est tout le monde. Ah, les deux, d'accord, ok. Hop, là, l'affaire est faite. Et quel est le meilleur coup? Ben ça, on laissera. Émilie, je sens le truc arriver. Eh ben, écoutez, ça tombe bien. Il y a deux filles, deux mecs, il y a deux chiottes. Vous nous laissez une demi-heure et on. Voilà, le verre. Eh ben, très bien. On a bien fait de venir, Émilie. Et celui qui aura mieux tiré au sort aura la chiotte avec les boissons. Ah oui. Parce qu'il y a une des deux avec les boissons et l'autre sans. Donc, faut se méfier avec ces conneries-là quand même. Bon, Hangar qui ont sorti donc un EP et dedans, donc, il y a version originale que vous venez de faire en live. C'est quoi l'histoire de ce morceau en fait, version originale? Putain, c'est une sacrée histoire. À l'époque, on ramait avec Romain parce que Hangar est un groupe qui a beaucoup ramé. Et il y a du courant chez nous. Ouais. Et si tu veux, on est allé à Paris pour essayer de trouver des concerts. En vain, on n'avait rien trouvé, on n'avait pas de maison de disques et tout ça à l'époque. Donc, à charge de revanche, on s'est quand même bien atomisé la tête. Et puis, pour oublier qu'on était mauvais. Et puis, on a pris le train pour redescendre chez nous. Et dans le TGV, on se met toujours entre deux wagons sur les strapontins pour jouer, pour s'amuser un peu. Il était 9h du mat, on n'était pas couché. Et puis là, on a rencontré un jeune Africain d'une trentaine d'années qui vient d'un village en Guinée qui s'appelle Boké. Donc, on a appelé ce gars Boké parce qu'on a oublié son prénom. Et on a commencé à parler avec lui et à fumer un peu des cigarettes. Qui font rire. Et on s'est éclaté et tout. Et puis, je jouais le morceau et je venais de trouver ça au moment où il passait dans la gonche. Je faisais ta ta ta ta ta ta ta ta. Non, même pas, je faisais na na na na na na na na. Qui est la mélodie de la chanson que je venais de trouver. il s'arrête, il me dit c'est cool, il commence à sortir, voilà. Et puis je vais chercher Romain, et puis on s'amuse, on parle des Pink Floyd et du film The Wall. Ouais. Et lui, il tripait, il nous disait c'est génial. Et Romain disait je l'ai vu il y a longtemps, mais j'avais pas tout saisi forcément et tout ça, faudrait qu'on le revoie. Il dit non, mais il faut prendre plein de trucs, ce film, pour le voir en VO, et en version originale. Il dit, et j'avais trouvé ça bien, voir un truc en version originale. Enfin bref, et moi j'avais trouvé la mélodie. Je me suis dit, tiens, une chanson qui va s'appeler version originale, c'est marrant. Et puis la mélodie est là. Et finalement, après, on a romancé avec une histoire de chez nous. On est parti dans un autre trip, mais c'est lui qui nous a donné l'idée. C'est d'accord. Ce mec. Donc c'est si tu nous entends, Bokeh, je sais même plus comment tu t'appelles. mais ça lui fera plaisir aussi, ça, tiens. C'est ta chanson, voilà. C'est ta chanson, et qu'on a fait un peu la petite histoire après de la chanson. C'est l'histoire vraie de chez nous, quoi. C'est des choses qui nous sont arrivées plein de fois. C'est la petite balade autour du hangar. D'accord. Il y a quelqu'un qui a demandé sur le groupe Facebook ou par mail, je sais plus, si vous pouviez faire bouche à bouche. Ouais. Alors, il y a déjà Cécile et Émilie qui étaient là. Ah oui, ouais, qu'est-ce que c'est? Comment? Arrête de nous faire passer pour des chaudasses, dis donc, ça va ou quoi? Attends, j'ai vu que tout à l'heure avec Fredo, t'étais presque en train de lui. Parce que c'est son boss. De lui tripoter les couilles. Hein, ouais, voilà, oui, oh, merci, le corse. Comment ça se passe, le terroriste, là? D'être rentré dans le détail. Bon, laquelle vous allez faire dans quelques instants, la deuxième? Ah ben, bouche à bouche. Bah, bouche à bouche? Ouais. Ok, bah, on se met la pub d'abord. La pub derrière, il y a quoi? Il y a Pink aussi avec Raise Your Glass. Et puis juste après, donc. Ce sera en guerre avec bouche à bouche. Ne bougez pas, on revient après ça. Et on est là tous les soirs entre 20h et 23h avec pas mal de messages qui arrivent également sur le groupe Facebook, facebook.com/MIKL officiel. Juste pour l'info, là il y a eu un but refusé pour Lyon, pour Orange. Heureusement, parce que j'avais misé sur Benfica, donc ça m'aurait vraiment merdé pour le coup, hein. Donc voilà, on suit toujours ça a démarré là un petit peu partout, la cinquième minute de jeu, Benfica-Lyon. Il y a également Valence, Glasgow Rangers. Il y a Bursaspor également, Manchester United, Tottenham, Inter Milan, Werder de Brême, Twente, Benfica-Lyon, je l'ai déjà dit, la poêle Tel Aviv à Schalke 04. Voilà, si vous avez d'ailleurs des pronostics, hein, on récompensera les meilleurs. Ce sera tout à l'heure, donc sur le Facebook, facebook.com/MIKL officiel. Deuxième live maintenant pour Hangar. Ça a été demandé sur le groupe Facebook. Yeah. Bouche à bouche. Eh ben, quand vous voulez, les mecs, hein, si vous êtes prêts, là, on y va. C'est parti pour le second live. Yo. Elle s'est posée à deux doigts de ma main, comme un oiseau descendu chercher le grain. Je suis tombé sur cette rose un beau matin, dans un jardin de strapontin. Elle m'a survolé du regard, m'a captivé. On n'a pas fait l'histoire, on s'est retrouvé bouche à bouche dans le métro. Oulala, oulala, bouche à bouche et pas un mot. Oulala, oulala. Dans le train, je me suis glissé à deux doigts de sa main, tel un bandit attiré par le butin. Je me suis frayé un passage sous ses reins, dans un jardin de strapontin. Elle m'a fusillé du regard, m'a évité. On n'a pas fait l'histoire, on s'est retrouvé bouche à bouche dans le métro. Oulala, oulala, bouche à bouche et pas un mot. Oulala, oulala, bouche à bouche dans le métro. Oulala, oulala, bouche à bouche et pas un mot. Oulala, oulala. Bouche à bouche. Oulala, oulala, bouche à bouche. Oulala, oulala, bouche à bouche. Oulala, oulala, bouche à bouche. Oulala, oulala. Oulala, oulala. Bouche à bouche dans le métro. Oulala, oulala, bouche à bouche. bouche à bouche et pas un mot. Oulala, oulala, bouche à bouche dans le métro. Oulala, oulala, bouche à bouche et pas un mot. Voilà le live jusqu'au bout de Hangar avec bouche à bouche. Ça avait été demandé hein, sur le groupe Facebook. Donc voilà, tiré donc de l'EP donc Hangar avec les 5 titres, version originale, Envie, bouche à bouche, le roi de la reine et Dis-nous Dylan. C'est bien ça. C'est bien cette ça. Connerie. Parfait, ouais. Magnifique. Bon, et puis une petite question encore, est-ce qu'il y a un album qui est en préparation après l'EP justement? Il est terminé, il ah, est prêt. Cool. Et il sortira plus ou moins quand, on sait déjà ou pas? Il sort le 14 février. 14 février, oh le jour de la Saint-Valentin, comme c'est mignon, dites donc. Ah, mais voilà, si vous avec pas bouche quoi. À bouche, tout le bordel. On est au top du top. C'est bon ça. Bon, et des concerts prévus également, une petite tournée ou des concerts comme ça en one shot. Ouais, à Paris. Donc le prochain concert parisien, c'est le 17 novembre à la Maroquinerie. Ouais. Et sinon nous on est en tournée. D'ailleurs, je t'interromps, on aura des places à vous filer aussi cette semaine pour le concert. Donc si vous voulez choper vos places, vous pouvez les demander dès maintenant sur mikl@goomradio.com, laissez votre numéro de téléphone et on vous rappelle. Voilà. Voilà. Et sinon nous on est en tournée, un peu, on fait encore des premières parties, on fait des premières parties de M notamment. D'accord. On suit un peu sur des zéniths, on fait Dijon, Amiens, je sais plus, Lyon. Il y a un site internet où on peut retrouver les mythes vedettes. En fait sur hangarmusique.fr. D'accord. On peut retrouver toutes nos dates ou sur notre MySpace, Hangarspace. Et voilà, il va y avoir plein de concerts pendant un an et demi à Donf partout. Très bien, Donf partout, Hangar, parfait. Se déplace. Bon, voilà. Écoute, très bien. Bonne chance en tout cas, les mecs, pour la suite. Vous revenez Merci. Quand vous voulez. Et puis, la prochaine fois, venez avec tout le groupe. Et puis, on déplacera les murs, on fera du full live. Ouais, Ça va être pas mal comme ça, avec batterie, guitare électrique et tout. Ça peut être cool. En tout cas, on les embrasse, les gars, parce qu'ils sont pas avec nous. Oui, bien sûr. Bloqué dans l'ascenseur. Il y a pas de souci. Et attends, parce qu'il y a Sabrina donc qui vous gère au niveau des maisons de disques, qui malencontreusement s'est barrée au moment où j'allais demander les disques, hein, comme par hasard. Sabrina, on te cherche. Combien d'albums on peut filer, Sabrina? L'album n'est pas sorti. Non, mais il sort le 14 février, mais donc on peut l'offrir. Une boîte comme d'habitude. Une boîte. Elle est désespérée. Une boîte de. Du disque, c'est lui en fait. Une boîte de 50. Une boîte de 50. Une boîte de 25. Ouais. On te filera 25 ans. Voilà, des couilles. Voilà, ouais. Bon, allez, si vous voulez choper donc les places de concert, on en a à vous filer. Et puis les albums, en l'occurrence, hein, pour le coup, c'est pareil. Ouais. Vous nous envoyez tout ça. Ça se passe évidemment sur le mail mikl@goomradio.com ou alors vous appelez Vincent au standard au 01 55 64 13 24. Merci les gars, donc, et puis bonne chance pour l'album le 14 février. Et puis les infos sur hangarmusique.fr pour les dates de concert. Ciao les goomers. Salut. Ciao. Ciao. Allez, ciao, ciao. Et puis on parlera encore tout à l'heure évidemment non mais il y a que ça à faire, Fredo. Je vais voir juste un message qui est arrivé qui dit: je suis un grand président, je commence à coacher mes joueurs pour dimanche. Parce qu'il y a Paris-Marseille. Il y a Paris-Marseille dimanche. Il ne rentre même pas au Vélodrome, le mec. De quoi? Il est j'avais une vanne, mais elle était trop longue. Il a envie d'être enterré sous le stade Vélodrome, faut le rappeler. Ouais, mais est-ce que le stade Vélodrome a envie de le recevoir? Avec c'est la question. Avec une paille géante, il m'a dit la dernière fois pour pouvoir voir le match. Et moi, il m'a dit avec mon téléphone au cas où je suis enterré vivant, je peux passer un appel. Ouais, ça, il y en a plein hein, qui pensent ça. On s'arrange pour qu'ils soient enterrés à Sèvres, mais vivants, par contre. Et genre demain, en fait. Ouais, genre demain, fais gaffe à toi, Fredo. Oh, la vieille embrouille. Bref, salut. Voilà. C'est bon, je suis installé, pardon. Ouais, très bien, écoute, j'ai alors tout va bien. Un peu dans l'ambiance jazzy et tout, là, j'ai envie d'écouter de la musique, moi. Ouais, écoute, on a pas envie de jouer, on a qu'à partir avec eux. Ouais, c'est ça. Je vais y aller, moi, je crois. Ça paraît un bon plan, ça aussi, Bon, voilà, donc, et toujours avec le match, là, c'est la 12e minute de jeu, on suit tout ça, bien sûr, il n'y a pas de soucis, c'est 0-0 partout pour l'instant, rien à bouger nulle part. On ira faire un tour du côté des prénoms aussi dans quelques instants. Bah, limite, on peut en faire un petit maintenant, un petit prénom. Hop là. Pierre. Petit prénom, on va dire qu'on va faire, Pierre, ouais. Alors, Pierre. On va tout simplement dire masculin. Un homme de caractère. Quelle date de naissance, Pierre? 16-11. 16 novembre. Ah, bah, c'est bientôt, ça, dis donc. Et ouais. Ah, bah, c'est bientôt. Mec, 16... c'est bientôt ton anniversaire. Je vais prendre de la bouteille, je crois. 16 novembre, 80 combien? 85. 85 également. Alors, attention. Pas de cadeau, hein, Pierre. Je fais OK, je fais rechercher. T'as 25 ans? C'est dur, ça, dis donc. Ah oui, à 25 ans, il y a un cadeau, alors, à 25 ans. Si vous mettiez vos casques, les filles, là, ça évitera de parler comme ça intempestivement. Romain, il nous a dit qu'on avait des très jolies voix suaves avec Cécile. J'embellis un peu ce qu'il a dit parce qu'il est parti. Mais... Bon, alors le problème en mettant Pierre, c'est qu'il me dit qu'il ne trouve pas ce prénom. Ah bizarre, parce qu'il est pas commun du tout. Bah non, bah, Pierre, il trouve pas, c'est dur quand même. Bah, bah non, donc c'est de la merde ton appli, hein. Bah non, elle est bien, c'est juste normal, un pourri, c'est tout. J'en prends plus, les vannes. Ou alors ils ont écrit ça avec un E. Non, non, non. Pierre. Ah, avec un R, pardon. Non, mais t'as mis 3 R. Non, mais donne ton vrai prénom, maintenant. R-E. Donne-le ton prénom. Enfin, bah putain, allez, alors Michel. Fond, franchement, Jean-Jacques, c'est pas si moche. Hein, arrête. Hein. Il arrive pas à enlever sa chemise, Mika. Ouais, Pierre, il trouve trop casse. C'est quoi ton deuxième prénom? En fait, il a voulu l'enlever sur un boys band d'un coup, là, et c'est pas passé. François. Tout à l'heure, Mika, il a dit qu'il avait grand aussi du ventre. Il est trop aucun mignon. Aucun prénom trouvé. Attends, je crois que je vais redémarrer l'application. Ouais, ouais, c'est quoi cette application? Le non, nom, non, mais elle doit avoir un problème, l'application. Attends, je vais la redémarrer. Bah, tu sais quoi, je vais même pas donner le nom parce que là, pour le coup, si elle marche pas, ça sert à rien d'aller l'acheter. Hein, donc, l'application elle s'appelle The True of the Name. C'est non, payant. Donc, C'est combien? J'ai un coup en bête. Je sais pas, je l'ai pris avec le compte de Fredo, donc je me suis pas bien rendu compte, j'ai pas fait attention au prix que ça coûtait, si tu veux. Donc, vraiment, demain je peux t'apporter mon iPhone ou t'es toujours énervé contre moi parce que je m'excuse si je suis énervé, je t'aime. Bah, on verra jusqu'à la fin d'émission si vous arrêtez de hurler. D'accord. Voilà, moi, ça sera plus. Pas mal comme est-ce ça. Est-ce qu'on va avoir des places pour Shakira? Attends, on va réfléchir. Hein. Non mais c'est pas pour non, moi, pas pour c'est pour Maureen. Elle me dit, tu peux demander à Mickaël si on va avoir des places pour Shakira. Alors je vais vous expliquer quelque chose. Je vais réfléchir. Vous êtes trop mignon de venir m'en parler à moi, mais à chaque fois que je demande un truc, il veut jamais. Donc moi je veux bien essayer d'avoir des sons que vous aimez, les places des concerts que vous aimez, mais... Tu parles beaucoup. Il veut pas me faire plaisir. Demandez aux Corses. Ouais, voilà. Demandez aux Corses, ouais. Il craint le Corse. Bon, en tout cas, cette semaine, on aura des places pour Sum 41 à vous filer, on aura des places pour Soprano, on aura des places pour Hangar qui viennent de passer, et puis on aura des places aussi pour Bruno Mars et Travis McCoy. Ce sera, Travis McCoy, c'est demain, c'est au nouveau casino, donc à Paris. Sum 41, c'est à l'Élysée Montmartre, et Sopra, c'est le 10 novembre à l'Olympia. Voilà. Donc évidemment, c'est sur Paris, donc faudra vous déplacer, malheureusement, si vous n'êtes évidemment pas sur Paris. Voilà. Comme ça, vous savez tout. Bon, on va se mettre un petit peu de son, là, maintenant. On va se mettre, qu'est-ce qu'on va se mettre? Mike Posner. Mike Posner avec Cooler Than Me, puis je vous parlerai dans un petit instant d'auto-école. Mais ah, bon, ça va être bien ça, l'auto-école. Je leur dois 5000 euros à mon auto-école parfait. À Marseille. Ah ouais, bah écoute. Moi je leur dois une voiture, ce que n'y j'ai retourne pété. Plus. Oui, bah on va en parler dans un petit instant là. Allez hop, c'est parti. Mike Posner maintenant avec Cooler Than Me sur Gaume Radio. Gaume Radio, il y en a tous les soirs avec bon ben l'horloge de la radio qui vient de tomber en panne, hein, ça y est, les clignotés depuis tout à l'heure là, c'est mort et but de Benfica. Oh, c'est oh, oh, magnifique. Quel talent. Merde. Magnifique. Magnifique, c'est parfait. Oh, fait chier. Petit but de Benfica, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Bon, après le match est pas fini, ça fait 19 minutes seulement, donc il en reste quand même encore 70. Ouais, mais merde, putain. Pour changer tout. Arrête, putain, ils sont tout en haut les Lyonnais là, qui vont vous faire chier, ils peuvent laisser une victoire quand même là. Ouais, mais non, faut tout gagner quoi. Ils sont premiers, ils sont premiers là, les Benfica, ils sont troisièmes, donc ça me paraît pas mal de faire comme ça. Hop là. Ouais, bon, s'il reste 70 minutes, t'inquiète qu'ils vont remonter. Hein. Bah, on verra. Et ça dit Puel, il avait dit ouais, c'est pas grave. De toute façon, on est tellement bon là que un nul suffira amplement. Ouais. Et puis il faut savoir que les Lyonnais, il y en a 6 qui sont à la civière, sur la civière. Hein. Mais là-bas. Il y en a plein, et des gros en plus, ils sont sur la civière, donc du coup, forcément. Voilà. Non, mais ils ont été blessés par d'autres. Ah oui, pardon. qui sont cons. Ouais, ils ont choisi volontairement, tiens. Ouais, hop là. Que, ouais, volontairement d'être sur la civière, c'est clair. Ouais. Bon, allez, on va parler d'auto-école. Donc c'est jeudi en fait, c'était en Suisse. C'est un élève conducteur, donc un mec qui passait le contrôle, enfin, qui passait pas le contrôle, mais qui était à l'école pour l'instant. Pardon. Ok, elle était dans son lit donc. Hein. C'est pas ça. Elle était là. Oh, c'est pas ça, c'est sorti tout seul. Ouais. Excuse-moi, c'est parce que j'ai éternué en même temps, j'ai baillé, je suis confuse. Ah bah oui, forcément, ça fait un truc bizarre alors. Et donc, il a été contrôlé, le mec, à votre avis, à combien? Sachant que le maximum était de 50 km/h. 135 km/h. Pas du tout, moins. Ah, moi? Oui, moins. 90. Non, plus. 107. Non, 100, moins. 102. Bonne réponse. 102 km/h. Au lieu des 50. Hein, le mec, il est né en 1992. Il a été interpellé directement par les flics. Oh bah... Son permis provisoire, a été suspendu. Ok, oh, bon lui. Donc déjà, il a pas le permis définitif que déjà il était suspendu. Et donc voilà. Et puis après, il y a aussi deux personnes le même jour. Hein, donc ça marche bien en Suisse, hein, au niveau de la limitation, puisque c'était 122 et 123 km/h sur le même tronçon. Oh. Alors là deux là solutions, soit les Suisses sont dingues, oui, soit il y a un moment ils limitent, ils font une limitation de 50 km/h sur l'autoroute. Ouais, c'est ça, mais donc ça après, je ne sais pas très bien comment ça se passe. En fait, ils sont pas petits Suisses sur la route. Ouais, bon alors ça par contre, tu sais qu'ils sont fous parce que j'ai vu passer une loi genre en Suisse aujourd'hui, je sais plus où j'ai vu ça. Il y a une loi en Suisse qui dit que c'est interdit d'avoir un cochon d'Inde. Il faut en avoir deux. Mais non, t'as gueule. Pas le droit d'en avoir qu'un seul. Et pour la reproduction. Ouais, et ah ouais, mais vraiment, t'as pas le droit d'en avoir qu'un seul. Il faut en avoir deux obligatoirement. Ça veut dire que Faut pas en avoir un, faut en avoir deux. Le mec s'est mis en mode boucle. Ouais, c'est ça. Bon, et deuxième question aussi qui n'a rien à voir hein, pour le coup. Est-ce que qui a un diplôme moi, qui, moi. J'en ai plein. Moi. Très bien, diplôme tout le monde... de quoi? Des scolaires, études. Ouais, études. Moi j'ai tout. Ah, moi, j'ai tout. Tout. T'as tout. Mmh. Ouais. Le Corse aussi, Mika aussi, Pierre aussi. Bah le Corse, ils ont acheté aussi, hein. Parfait. Donc il n'y a que moi et ça tombe. Et ça tombe très très bien. T'as pas aucun diplôme? Moi j'ai rien, moi j'emmerde l'école. Mais c'est pas bien de parler comme ça con. Pour les jeunes d'aujourd'hui. Ils font ce qu'ils veulent. Ce qu'elle a dit, ça m'avait pas plu. Non, mais c'est pas grave. Hein. Qu'est-ce que c'est à la grosse balance? Elle est en bas de l'échelle. Le mec, il check tous les trucs et il répète. Mais ah ouais, laisse passer la vanne, elle était trop bien. C'est comme dans les Corses du Sud, quoi. C'est Joe la balance. C'est Joe la balance. Non, il y a des statistiques, en fait, qui ont été recueillies sur un site de rencontre, en fait, qui montrent que quand on est célibataire, en fait, tout simplement, le mieux pour arriver à pécho le plus rapidement, c'est de ne pas avoir de diplôme. Ah bon? Ouais. Pourquoi? Bah parce que ouais, de pourquoi, faire croire qu'on en a pas peut-être. Après, oh là là, mais la violence. Vrai, nous on est diplômés. Et pour, attends une minute, t'as entendu? Je lui dis pourquoi? Il me dit et pourquoi que je m'emmerde. Oh, les aigris ce soir. C'est beau. Quand il sourit, il est trop beau. Non, il est beau. J'ai envie d'aller le voir, je vais le faire. C'est ça. Tout petit Mickaël, qu'il est mignon. T'as raison. Bon bref, non, tout ça pour dire que les meufs, c'est mieux que les meufs n'aient pas de diplôme pour les mecs. Ah, les meufs. Non, c'est mieux. Après, il y a les meufs qui aiment bien aussi que les mecs n'aient pas de diplôme. Mais nous... disons qu'on arrive à plus facilement conclure sans diplôme. Moi, quelqu'un qui est passionné par ce qu'il fait, qui a un métier trop bien et tout, qui est diplômé, ça me fascine. Mais qu'il soit diplômé ou pas, tu t'en fous. Non, mais c'est un coup de question. C'est une question de confiance en soi, c'est tout. Le mec a pas de diplôme, il y va comme un barbare et c'est pour ça peut-être que vous aimez bien, quoi. Non. Ça veut dire que les gens qui ont pas de diplôme, ils sont bêtes et ils sont bourrus. Et ça, c'est mettre les gens dans des casse-pierres, tu vois, c'est dégueulasse. Mais non, c'est ce que je viens de dire. Un mec qui se la pète pas, qui se la raconte pas. Il a plus de confiance en lui qu'un mec qui dit, oh, j'ai 20 000 diplômes sur moi, plus un EUT. Moi je suis diplômé, je parle pas comme ça, quoi. Si, toi tu t'en racontes. C'est toujours bien de sortir avec quelqu'un et toi ta gueule, ok. Mais je suis méga supérieur. Et d'être surprise par le mec. Le mec, quand il est, t'imagines le mec qui fait HEC ou des trucs comme ça, et quand tu le regardes, on dirait Pierre, quoi. Et là, t'es Ouais. Non, j'avoue que là, effectivement, ça peut un peu perturber, je peux comprendre. Donc dites-nous, tiens, si vous avez effectivement des diplômes, ou si vous comptez en avoir. Donc pour le coup, rapport à l'enquête, si vous en avez, vous allez moins pécho. Hein. Mais tu c'est rapport à l'enquête. Hein. Ah bah rapport à l'enquête, ouais, je te confirme. Il se base par rapport. Bah c'est parce qu'il y a un sondage qui a été fait sur un site internet et puis il se base là-dessus. Ouais, mais bon, c'est encore une connerie quoi. Ah bah c'est encore une connerie. C'est un sondage de J'aimerais merde. Bien les voir faire les sondages parce que c'est vraiment n'importe mais c'est, quoi. Oui. Oh c'est de la tu imagines connerie. Qu'il y a des gens qui sont payés à ça. Non, mais après il y a des sondages super sérieux avec un panel de la société. Bien sûr, oui, non, avec un pur truc. Après, je pense que les sondages sur les sites de merde, c'est comme genre t'as combien de beaux mecs dans ta classe? Ah ouais, combien de pourcentage? C'est comme c'est un sondage. Non mais de toute façon, à partir de là, un sondage c'est jamais fiable à 100%. C'est juste que t'interroges X personnes et que ces X personnes, tu te dis bah que c'est comme tout le monde. Oui, on est d'accord. Mais après il y a des sondages qui font vraiment les CSP moins. Et il y en a vraiment qui touchent à toutes les couches et qui sont bien représentatifs de la société. Et sur un site de merde, s'il y a 3 pédophiles qui vont sur le site, c'est pas représentatif de la société, tu vois ce que je veux dire? Parce parce que la société, voilà, c'est quelle horreur. Voilà. Je me fais peur, on a dit quelle horreur en même temps. Je pense qu'on s'aime, ça. Non, lâche-moi. C'est ça. Voilà, comme les hamsters, ça va par deux, ça. Comme les crabes aussi. Comme les hamsters. Bon, c'est pareil. Tu sais que les crabes aussi, hein. Ah ouais? Les crabes, quand ils se trouvent, ils se prennent par la pince et ils marchent. Est-ce que t'as un crabe dans ta vie? Non, j'ai pas de crabe. Bah, moi j'ai un crabe. Mais t'en as dans la chatte, toi. On va en parler dans quelques instants, mais d'un autre. Alors pour tout vous dire, en fait, c'est un message qui m'a été envoyé pour le problème du jour. C'est vrai que ça faisait un petit bout de temps qu'on l'avait plus fait, et donc là, ça va parler d'anus. Ah, brute alors. Ah bah non, mais il est d'une violence, mec. J'ai envie de chialer. Ça monte de plus en plus haut. Hein. Il est d'une violence, le problème du forum là. Qu'est-ce qu'il a? Ça peut être le problème de Mika, alors attention. Ah non, mais peut-être. Hein. Non, mais vraiment. Moi j'ai pas de problème sale et tout. Hein. Alors, mais là c'est, il est. C'est grave pour la santé du mec? Ou c'est la santé des autres? C'est un anus très dilaté? Est-ce que c'est un anus qui fait du jus de pruneau, non? On en parlera dans un petit instant. Émilie, t'en penses quoi sur ce sujet? Je suis pas bien là, je suis pas bien. On en parlera dans un instant. Ah ouais, c'est un mec ou une fille? C'est un mec. C'est un anus femelle. Vous allez voir. Il a son kiki à la place de l'endroit de l'anus. Non, je sais où c'est. Un truc qu'il a fait lui-même, hein. C'est pas une malformation. Ah, il s'est mis un truc dans l'anus. Ah oui, une batte de baseball. Non, pas une batte de baseball. Il y a toute une équipe la qui est entrée de pour quelqu'un. Moi, j'avais un pote médecin qui m'avait raconté qu'un jour, il y avait un patient qui était venu parce qu'il s'était coincé une bouteille de Perrier. Non. Oh, c'est en dur, entier dans l'anus. Ça veut dire qu'il a commencé par le côté fin là. Ouais. Et après il a tout le culot. Attends, et voilà, ou le gros, il a commencé par le gros. Mais puisqu'on parlait de hamster, il y a eu l'histoire du hamster aussi. Ah oui, qui est rentré dans un anus. Ouais, deux mecs qui, pour s'amuser, ont mis l'un a mis un hamster dans le cul de l'autre. Ah bah oui, c'est drôle. C'est drôle. Et au bout d'un moment, le hamster en fait allait trop loin dans le cul. Il a pas pu ressortir. Donc ils ont pris un briquet et ils ont allumé vers l'anus pour voir où allait le hamster. Mais non. Et là en fait avec du fion et tout, et le gaz du briquet, ça je fait fais bien un... le bruit des fions. Ça fait un, truc, genre une, comment ça s'appelle? On appelle, un incendie, d'anus. Ça fait une réaction. Bref, l'hamster a été expulsé du fion, mais il lui a défoncé le cul. Mais non, pas du tout. L'hamster, il a explosé dans l'organisme du mec. Et c'est pour ça que le mec est allé à l'hôpital, parce que ça lui a pété le foie. D'accord. Il s'est transformé en camster, un hamster camé. Ouais, bon bah ça change tout. Ça change toute la donne donc hein. Voilà, c'est horrible. Ah ouais. Bon, on en parlera dans un petit instant. Vous aussi d'ailleurs, si vous vous êtes déjà mis des trucs dans le fion ou ailleurs, vous avez eu ou pas des problèmes, vous appelez Vincent. Ah, très bien. 01 55 64 13 24. Vous nous envoyez vos messages, vous appelez Vincent qui est au standard et puis vous passerez à l'antenne avec nous. Et puis on va se mettre le son de Peter Lutz maintenant, c'est The Rain sur Goom Radio, c'est parti. Et 2-0 pour Benfica face à Lyon. Oui, je sais, ce soir c'est pas très je suis pas tellement dedans par rapport à aux équipes françaises, mais bon, c'est Benfica quand même, hein, faut pas abuser. Ouais, mais c'est Lyon quand même, merde. Ouais, bon, à la foutre, ils ont déjà bouffer, mais ils ont déjà gagné 3 fois sur 4 là ce soir, là, ça va. 2-0 et un très très beau but en plus, là, boum. Voilà, et Lloris pouvait rien faire, là, 2-0 donc. Il y a 1-0 aussi pour Barcelone, là, qui a ouvert le score, là, avec Lionel Messi. Il y a Tottenham aussi qui fait 1-0 face à l'Inter. Et puis, il reste encore les autres matchs, là. Non, mais il peut pas ouvrir ton micro, Mika, il mange une pizza, là, il doit pas être partout. Enfin, t'es en train de lui faire des signes là, et chaque chose, chacun a ses priorités. Oui, pardon. Voilà. Excuse-moi. Merci, il était temps, tu t'excuses. Bon, merde quand même. C'est pas comme si on faisait de la radio. Donc j'allais dire, mais ma vanne n'a plus aucun lieu d'être, donc c'est bon. Bah vas-y, parle Lionel Messi. Non, mais c'était, j'allais dire encore, ouais. Enfin, non, c'était pas une vanne en fait. Non. J'allais dire encore heureux que c'était Lionel Messi, mais ça allait dans le cadre d'une discussion. Enfin, je d'accord. Mais genre, tu l'attendais comme le Messi? Ouais, non, pas du tout, mais je crois que c'était une discussion temporelle, simplement. Eh bah voilà. Eh bah sinon, heureusement que t'en as parlé, puisque but de Copenhague maintenant face au Barça. Oh merde. Un partout. Bon, je m'inquiète pas trop pour Barcelone, cela dit, ça devrait bien se passer. D'ici là, voilà. Bon, et bon appétit le Corse. Qu'est-ce qu'il mange ce soir le Corse? Comme d'hab. Il peut pas manger, il a la bouche pleine. Attends, mais il peut pas tout faire. Ça va, essaye de parler le Corse avec la excuse-moi le Corse. Essaye de parler. Ah pardon, comment ça? Ah pardon, entrepreneur. Une pizza. Une pizza. Mais arrête de faire ça, c'est dégueulasse. Oh là, c'est dégueulasse. Long, je suis assez d'accord avec ça pour le coup, c'est dégueulasse. Putain, quelle horreur. Ah non, c'est la tête des ministres. Pardon. Putain de Taras. Quoi? Je viens de me rendre compte que j'ai oublié de miser sur Benfica. Non. J'ai oublié de miser sur Benfica. Tout à l'heure, il est content lourd, pour rien. Depuis tout à l'heure, il s'extasie, le mec. J'ai oublié. Putain de merde. Mais non, tu peux pas avoir fait ça. Putain, je suis vénère. Moi, je suis vénère. Sur la tête de ma mère. Oh merde. Ils sont putain, beaux, mais ils ont quel trou du cul, quoi. Mickaël, tu peux en devenir chauvin ou pas et aimer la France un peu qui te nourrit là? J'en ai rien à foutre, quoi. J'ai trop mal. Quel salaud. Oh putain, je suis vénère, merde. Je suis vénère. Mais il faut bien miser, hein, tu vois. Mais là, bien. Mais j'ai oublié, j'en ai fait d'autres tout à l'heure, j'ai zappé celui-là. Il faut bien checker deux fois. Ah, il va me faire chier, Fredo, en plus, parce qu'il m'a dit tout à l'heure, misez Lyon, vous allez voir. J'ai dit, mais non, c'est Benfica qui avait gagné. Alors moi, j'y connais rien en foot, je le dis, mais comme lui, il prétend, être le meilleur, là-dedans, bah voilà, j'étais content de gagner contre lui. Merde, j'ai oublié de miser. Ouais, bah là, quel trou du cul. Là, c'est, ouais. Ah ouais, il va encore gagner. Je suis un con, hein, voilà, c'est tout, hein, qu'il faut que je te dise. Il va encore gagner une fois, il va le ressortir. C'est mal la tête de Cécile quand elle sert un verre. Regarde la tête d'abruti qu'elle a. Qu'est-ce qu'il a? Parce qu'elle elle sert un verre et elle a la langue qui sort comme un chien. Parce que je suis une chienne. Elle est trop belle, moi. Je la trouvais trop mignonne quand elle m'a servi du coca. Oui, c'était Mimi. Ouais. Merci, les amis. Comme la petite dans moi, moche et méchant, là. Boulou, boulou. Boulou, boulou. Bah, tout est dit, hein. Je l'ai pas vu, ce film. Tout est dit. Bah, c'est une petite brune. Ouais, t'as la même gueule que la petite brune. Non, on m'a dit que j'avais la même gueule que la petite dans Monster. Mais c'est pareil. Monster et Monster Munch. Bou. Bou, ouais. On m'a dit, tu ressembles à Bou. J'ai dit, ok. Et bah tu ressembles maintenant à la nouvelle dans Moi Moche et Méchant en fait. Il est bien ce film? Bah il paraît qu'il est énorme, hein, 5 étoiles. Ah, tu l'as pas vu? Moi j'étais voir Social Network, je suis déballé, j'ai joué un film de merde là, d'une biographie. C'est pas bien? Mais si, c'est vachement bien, mais bon, tu lis la bio sur Wikipédia. C'est pareil, bah, voilà. Il a fait un buzz parce que tout le monde a Facebook et tout le monde est No Life, mais sinon à côté de ça, quand c'est t'as pas une lui vie, qui a fait le film, hein. Non, mais je sais que c'est pas lui. Non, mais ouais, au contraire, c'est un film qui l'accable un petit peu. Non, donc, qui l'accable pas, parce qu'au final, ça le met pas non plus trop en enculé. Mais c'est enculé, pas lui, c'est un mec qui a fait une enquête qui a rien à voir avec les deux parties, mais qui a fait quand même une enquête, et il a beaucoup de, dans son enquête, de, comment de on mythos. Dit, de déclaration des deux jumeaux. Ah bah oui, mais c'est normal. Porte plainte, et pas de Mark Zuckerberg qui a pas voulu ni participer au scénario ouais, du film ni au livre, quoi. Ok, mais sauf que quand même, il crache ses 65 millions, et il crache tout jusqu'à la fin, donc un mec quand même qui paye, c'est un mec quand même qui est coupable. Quoi, tu vois, quand tu payes un procès avant de vraiment de trucs, oui, avant de payer, bah ça dépend parce que ça se trouve, tu te dis que peut-être tu vas risquer plus, oui, donc, ça du coup, aussi, ouais. C'est tu vrai préfères que faire passer le truc avant quoi, mais ça reste à voir encore. Ouais, hein. C'est vrai qu'en conciliation, des bah, fois, dites-nous si vous l'avez vu, The Social Network, non, mais il est cool, hein, sinon, mais j'aurais préféré voir à la limite, moi, Moche et Méchant, ça sera un divertissement à la con, ouais, bah pas. Après, bah, c'est différent, c'est sûr, effectivement, ouais. Bon, allez, on va se faire maintenant la journée internationale de la danse. De la danse. Alors ça va être quoi exactement, Pierre? Ben je veux prendre des cours de danse, donc j'appelle un institut, mais du coup je ressors tous les clichés de la danse. Les clichés de la danse. Parce que t'es un prof de danse espagnol. Exactement, je faisais des claquettes en fait, connasse. Voilà, tout ça pour des claquettes. Et voilà, donc beaucoup de clichés, hein, sur la danse. Hein. Donc bien sûr je dis des choses que je pense pas, mais bon. D'accord. Bon, allez, tard, c'est dit. On écoute ça maintenant et on revient juste après. Groupe Smoking Chica, bonsoir. Oui, bonsoir, ce serait pour avoir quelques petits renseignements. Oui. Je voudrais faire en fait de la danse. Oui. Mais j'ai peur que ce soit quand même qu'on me dise, ouais, tu fais de la danse, genre, ouh, tu fais de la danse. Ah non, pas du tout. Vous voyez, non, c'est pas comme ça chez vous. Ah non, absolument pas. C'est pas parce que je danse, par exemple, que j'aime les hommes, quoi. Non, non, pas du tout. On est d'accord que je peux rester quand même viril. On est complètement d'accord. D'accord, mais vous qui êtes une femme, si par exemple un homme fait de la danse, pour vous c'est pas dégradant du tout, c'est pas pour autant qu'il est qu'il perd sa virilité. Ah bah au contraire, moi un homme qui sait pas danser, ça m'intéresse pas à la limite. Ouais, parce que même moi, c'est ce que je me dis pour danser tout c'est bien, mais quand je vais dans un lieu par exemple en discothèque ou autre, oui. Jamais je danse quoi, j'ai juste mon verre d'alcool. Voilà. Du coup ça sert à rien. Bah ouais, c'est pour ça. Voilà. Non mais y a un cours qui est vachement bien, du coup ça s'appelle Dancehall. Ouais. Je sais pas si vous avez vu sur le programme. Et effectivement du coup c'est de la danse qu'après on peut reproduire n'importe où en fait. D'accord, donc ça veut dire qu'en boîte, si je reproduis ça, limite, ils me diront, lui c'est un vrai mec, mais à aucun moment ils pourront dire, lui dis donc... Non. Moi je veux juste pas qu'on m'appelle Billy Elliot ou... Alors, pour qu'on vous appelle Billy Elliot, il faudrait vraiment que vous fassiez de la danse classique. Je pourrais vraiment pas faire de la danse en fait. Hein. Ok. Parce que à réfléchir, si c'est pour après faire la vaisselle ou des trucs comme ça de femme... Oui, bien sûr. Je pense qu'il faut laisser aux femmes ce qui appartient aux femmes, on est d'accord? Ou pas. Pourquoi, ou pas? Je pense qu'il faut laisser chacun choisir ce qui lui appartient. Non mais d'accord, mais alors quand même, moi si je veux pas faire de la danse... Vous en faites pas. D'accord, mais si je veux en faire du coup... Vous en faites. Ou pas. Ou pas. Voilà, parce que vous êtes madame ou pas. Je suis madame ou pas, exactement. D'accord, mais bon, vous, ça, d'avoir vraiment un mec qui fait de la danse, ça va pas vous dire pour autant que ce mec-là, il a perdu ses burnes? Absolument pas. À aucun moment? Non, pour moi en fait, un mec... qui a pas les couilles de danser ou d'apprendre à danser alors qu'il a envie de danser, ça pour moi c'est un PD. Moi c'est un peu mon cas du coup, hein. Parce que moi j'ai envie et en même temps je me dis si je le fais, je vais devenir une femme et je vais porter des talons. Absolument pas. C'était ma vision de la danse. Oui, c'était sa vision. Mais c'était pas la même que la sienne, hein, en l'occurrence. Hein. Non, pas du tout. Elle était beaucoup plus ouverte sur le coup. Hein. Ouais, c'est clair. Gratuit. C'est ça. Ouais, moi j'adore aussi, ouais. Les mecs danser avec qui des danse, mecs en boîte. Ah ouais. Et mais tu vas dans des boîtes gays? Non, mais pas du. Non, c'est pas vrai. Nous, on a un pote en commun avec Emily qui danse super bien. Et c'est un mec super viril, super sexy. Et quand il bouge et qu'il me fait danser le rock. Ah oui, il danse comme un mec. Il a 35 ans, il s'appelle José, le mec. Non, il s'appelle Guillaume et il danse super bien. Ouais, oh, mais c'est pas possible. Il est beau en plus. Mais dans tous vos potes, voilà, vous avez qu'un seul mec qui sait danser. Personne sait danser en mec. Tu sais danser le Corse? Pas du tout. Mais c'est bouffé la pizza. Il mange, tu rigoles, mange. Mika, tu bouges bien. Non, mais moi je danse, mais je suis bourrasse, je fais ce que je veux. Mais en fait, moi j'aime pas trop les mecs qui dansent. Ah, moi ça m'excite. Ah oui, c'est quand t'es bourrasse en fait que tu danses. Non, moi je suis bourrasse, mais je fais comme ça, tu sais, je m'en fous, la main en l'air. Ouais, il lève la main, il bouge un peu à gauche, à droite, et voilà quoi. Moi j'aime pas trop les mecs qui dansent, voilà, genre qui savent pas, ou alors vraiment j'adore si un mec est danseur quoi, qui danse vraiment hyper bien, qui l'envoie gros. Oh bah non, c'est un mec qui essaye un peu de danser, mais. Non, mais attends, c'est pas forcément ça la danse, t'as des breakdancers, t'as des danseurs de qui dansent la lambada. Des mecs qui dansent le hip hop, mais on a dit. Des battles de danse entre des mecs, des crews. Ah ouais, mais j'adore les, mecs, les crews. Oh là là là là là. Non, ça, je trouve ça trop aussi, efféminé. Ouais. Ouais. Bon, bref, tout ça pour dire que c'était la journée internationale de la danse. Ouais, et qu'après, enfin, il y a chez Pierre, a... dans le petit monde de Pierre. Hein. Et donc, ouais. Mon petit monde. Ouais, et toi, tu t'es inscrit à la danse avec ton tutu rose, tout ça. Je te ouais, bah bien. Non, surtout pas. Je... Bien sûr, Pierre, il est à fond sur la danse. Il a la dégaine. Mais bien sûr, mais bien sûr, il est à fond sur la danse, le Pierre. Hein. C'est clair. Bon, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, alors, on va parler du petit truc là dont je voulais parler absolument. C'est une petite fille de 10 ans qui vient de donner naissance à son premier enfant. Non, ça me dégoûte, c'est pas possible. Dans le sud de l'Espagne. Mais combien? 10 ans. J'ai vu que les jeunes parents les plus jeunes parents du monde, c'était je crois en 1940 ou un truc comme ça, c'était en Chine, et ils avaient 8 et 9 ans les deux. C'est dur. Oh. C'est vrai, t'imagines, hey, t'imagines, t'as ton gosse, il a 20 piges, t'en as 30. Mais c'est non, mais ça, c'est énorme. Non, mais t'imagines? Non, mais après, pour le coup, c'est horrible là, mais pour plus tard, c'est bien, parce que pour le coup, tu vois tes enfants, tes petits-enfants, les arrière-petits-enfants, les arrière-arrière-petits-enfants, enfin, tu vois, tu peux en voir ouais, plein, mais quoi. Bon, imagine... ouais, j'avoue que 10 ans, c'est sur la liste, hein. Imagine-toi l'éducation, quelle éducation va ah, avoir ben non. Demain, bah, en général, c'est la mère qui s'occupe, enfin, c'est la grand-mère, en l'occurrence, ouais, hein, tu ouais, vois, c'est pas la fille ça. 10 ans qui va apprendre à tu sais, qui va s'occuper, et même comment elle donne le sein et tout, enfin, tu vois, il y a encore rien qui est formé. Non, mais c'est vrai, 10 ans. C'est vrai, il y a rien qui est formé. Moi, j'ai ma nièce qui a 11 ans, mais je peux pas l'imaginer. Mais deux secondes, voilà, quoi. Mais pas deux secondes, quoi. Mais même, c'est horrible. Ah bah, mais même moi, je m'imagine pas mère alors que j'ai 25 ans, mais alors que quelqu'un de 10 ans. Mais elle a été indisposée super tôt, cette petite. Ah ouais, bah après ça arrive. Attends, parce que le mec, lui, attends, parce que j'avais vu le l'âge du gars. Elle avait 2 ans et tout. Le mec, il avait 45 ans. Non, ouais, merci. Elle était pas d'accord, la petite. Non, il avait 11 ans. 11 ans, le mec. Non, t'imagines si son père s'est rené, s'il te plaît. Oh, 3-0. Oh là là. C'est vraiment un compte sérieux. Ah ouais, je suis dans un état de nerf là de pas avoir misé sur Benfica alors que j'ai fait chier Fredo à dire mais oui, c'est ça, ce sera ça, il me prenait pour un con, hein, il faut dire les choses. Et bah boum, 3-0. Bref. Je crois toujours tout savoir, ce Fredo là. Bah ouais, bah là pour le coup, il rate et je suis vénère parce que j'ai rien mis, putain de tarasse là. Ça fout les boules, hein, quand même. Hein. Mmh. Parce ouais. que 10 ans, quand même, hein, sans avoir misé. Ah, c'est vrai. Non, donc, le père a 11 ans et la meuf a. Le père a 11 ans et la meuf a 10 ans, donc. Hein, ah, le père a 11 très, ans. Très dur. Ils sont précoces, quoi. Parce ah, bah pour le coup, ouais. S'envoyer en l'air à 10-11 ans, voilà. Non, mais ça veut dire qu'elle avait. C'est vrai qu'il y a ça aussi. C'est vrai qu'il baisait quand même à 10-11 ans. Oui, voilà, c'est ce que j'ai. Imagine-toi, moi, je me vois jamais de la vie. Ma nièce, comme tu disais, moi, je la mienne, elle a 10 ans. Attends, tu sais le problème d'où il vient dans le casque? C'est le micro du Corse qui est pourri, en fait. Non, coupe. Je crois que c'est. J'sais coupe pas. Ton micro, le Corse. J'ai coupé le mien, là. Non, c'est voilà. Pierre. C'est Pierre, c'est celui-là. Non, est-ce qu'il a coupé en même temps? Rallume le tien. Je suis du coup à part. Ouais, c'est Pierre. Ah ouais, celui de Pierre, effectivement. Ouais, c'est Pierre. Autant pour moi. Autant pour moi. Autant pour moi. Enfin, tu fais chier, le Corse, quand même. C'est ça, c'est ça. Déjà, tu vas te calmer si tu veux pas que je me lève. Tu te T'inquiète pas, il va pas se lever, il y a la pizza à côté de lui, hein. Ah oui, c'est vrai. Bah, t'es tranquille pour un quart d'heure, là. Si tu te lèves, non seulement je te casse la gueule, mais je mange ta pizza. Oh, c'est bon ça. Tu sais, c'est mieux. Vas-y, faut pas viens. Allez, vas-y, vas-y. Mais dis-moi. Arrête, parce que Mika, il est vachement fort. Il m'a défendu contre quelqu'un qui voulait que je lui fasse une fellation, donc. Il a super, il a beaucoup de force. Il a fait, ouais, vas-y, viens. Je fais, ouais, ma gueule. Si. Et le mec, il est parti direct. Ouais. Impressionnant. Après, tu l'as pris un coup de pied, tu l'as ruiné. Je l'ai défoncé. Il était 9 au départ. Il y en a 18 qui sont arrivés. Ouais. Enfin, c'était fou, quoi. Les flics, tout. J'ai bloqué le pont, là, mec. Bah, on en avait parlé en plus. Pour le coup. Donc, enfin, faites pas chier, mec. Ouais, c'est ça. Faut faire attention avec ces conneries-là, quand même. J'adore, bon. Mika. On va, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va se mettre un petit peu de son, là. Et puis, on en parlera aussi dans quelques instants. Dites-moi quel âge vous avez couché pour la première fois. Qu'on voit un petit peu si effectivement, comme la meuf de. Non, moi, j'ai prévu de le faire. La meuf d'Espagne, là, justement, qui était dans le sud de l'Espagne, donc a accouché à 10 ans. C'est quand même très, très dur. Putain. Ce qui veut dire que vous avez accouché à 9, qu'ils ont couché ensemble à 9 ans. Ouais. Oui, parce 9 et 10. Ah parce oui. que si elle a couché à 10, ça veut dire qu'il y a 9 mois. Il y a 9 mois d'avance. Non, mais elle a pu coucher à 10 le jour de son anniversaire et après les 9 mois, elle avait toujours 10 ans. Mais tu penses qu'ils prennent plaisir à cet âge-là ou Bah non, c'est un curly, le bordel. Hein. C'est un curly dans, tu vois, dans, je sais pas moi, dans un, dans un tissu. Non, mais si dans leur tête, ils réalisent ce qu'ils sont en train de faire ou c'est plutôt, bah oui, allez, on joue à touche pipi. Le petit, elle fait ça sexy. On sait pas, on sait pas. Mais t'es comme ça, t'es la main derrière la nuque en mode beau gosse. T'es baisé. T'en as qui sont à fond dedans, très tôt, hein, donc, c'est le cas de le dire. Bah, évidemment. Donnez vos avis, donnez vos avis, maintenant. Donc, vous faites péter les messages sur Facebook, par exemple, facebook.com/MickaëlOfficiel ou alors au 01 55 64 13 24. Voilà, ça n'a pas bougé sur les pelouses, à part le 3-0 pour Benfica, on l'avait dit, 1-0 pour Valence et 1-0 pour Tottenham. Putain. Voilà. On se met un peu de son maintenant avec Kesha. C'est We Are maintenant sur Goom. Le son de Kesha à l'instant. Alors attention, il y a une attrape dans le titre. Comment on se prononce ça, le Corse? Avec non, un le micro. Micro, le micro, le micro. Non, je sais, non, mais j'étais en train de lire le R. Non, c'est R. C'est l'abréviation. C'est pour écrire plus, de manière plus courte. C'est comme quand tu dis c'est génial, tu mets c'est génial. Bah, les Américains, à la place de mettre A-R-E, ils mettent R. D'accord, je savais pas. Voilà, pas comme ça, tu sais, hein. Super, maintenant on apprend tous les jours. Bah, t'as vu un peu. C'est bon, là. Donc, comment tu dis? We are who we are. Voilà. Nous sommes qui ce on qui est. Veut dire que aujourd'hui j'ai été manger une pizza. Hein? Bah, oui, c'est la traduction, ça. We are. Non, aujourd'hui. Déjà, où je sais c'est qui. Ouais, bah alors. Ouais, j'ai mangé avec qui une pizza. C'est ça, Emily, hein? Ouais. Oui. Ouais. Vous, R, attends, c'est pizza. C'est pizza. C'est pizza, hein, bon. Ouais. Ah, c'est ça, c'est pizza. Pizza, bruschetta, calzone, tout calzone. Ça, on appelle ça pareil. Ah, exactement. Comment tu dis? Comment tu... Pizza, bruschetta, c'est la même chose. Bruschetta. Bruschetta, ouais, bruschetta, bruschetta. Attention, bruschetta. Attention. Bruschetta. On dit bruschetta, attention. Et on dit également de la merde, hein. Comme ça qu'on dit. C'est ça. Non, ça, c'est le figaté. Et en temps, pourquoi tu me corriges là-dessus? Ça vient pas de chez toi, ça? Eh oui, mais non, c'est italien, c'est pas corse. Ouais, la pizza, c'est corse. Mais non, c'est italien. Mais c'est italien. Alors, il s'approprie tout alors. C'est italien. C'est comme c'est italien. Arrête, ça va. Va sur Wikipédia. Eh bah, Wikipédia, eh bah, je verrai. Eh bah, je verrai. Attends, hop là. Alors. C'est comme la Copa, c'est italien la Copa. Non, pas du tout. Ah, oh, si. La Copa, c'est italien. Non, bah, évidemment. Tout le monde se bagarre. À chaque fois, les Corses, vous battez avec les Italiens. Mais ouais, alors que quand il doit vous filer du pétrole, alors qu'on est une grande famille, le Corse. Ah non, on a rien en commun. Mais bien sûr qu'on a en commun. On est un peu cousins, hein. Ouais, enfin, en même temps, loin, je suis Corse italien, moi, mon pote, hein, donc, tu vois. Ouais. Bon, alors, Mais pas Dakota, mec, c'est Corse, par contre. Non. Non. Là, c'est italien. Enfin, en même temps, le nom est italien, donc à partir de là, si tu veux, Ah mais bon, attends. En provenance d'Italie. Boum. Oh, ça fait mal. Et touchdown. Ouais, parce que même Wikipédia il ment. Mais ouais, Wikipédia il ment, ouais, t'as raison. Wikipédia il ment, wesh. Voilà. On aura tout entendu. En provenance d'Italie, tout est dit. C'est ça. Je n'ai que ça à dire. Ça fait mal, hein. Bon, 0 à 55 64 13 24, c'est si vous voulez nous appeler. Bah allez-y, n'hésitez pas, surtout il y a pas de souci. Je pense qu'il est l'heure maintenant de lire le problème du jour. Ah, le bien crade. Ouais, ça fait longtemps. Ouais, bah pour le coup, celui-là, t'inquiète pas, il va rattraper toutes les fois où on l'oublie, hein. Bien dégueu là. Oh là là là là là là là. Alors, bah, pour tout vous dire, c'est Off qui me l'a envoyé, ça vous donnera une petite idée comme ça. OK. Alors attention. Ça doit être lui alors. Ouais, bah on n'est pas à l'abri. Bonjour à tous, tout d'abord je tiens à préciser qu'il ne s'agit pas d'une blague. Hier, en parcourant les topics, je suis tombé sur un sujet vantant les vertus du plaisir sexuel de s'introduire un doigt dans l'anus pour accompagner la masturbation. Jusque là, bon. Qui est un homme, hein. Oui, bien sûr. Oh. En lisant le témoignage et les explications d'un certain Joshua, je n'ai pas pu m'empêcher de tenter la chose. Seulement, mettre un doigt dans mon derrière et tourner, ça me foutait les boules, c'est le cas de le dire, parce que c'est assez dur. Donc ce matin, j'ai voulu essayer avec une saucisse, qui n'est pas trop dure pour faire mal, et pas trop molle pour me permettre de l'insérer. Donc j'ai commencé à faire comme Joshua disait, c'était trop bon. Jusqu'au moment où la saucisse s'est cassée à la moitié de mon, dans mon derrière. Impossible de récupérer ce morceau. J'ai essayé de le prendre, mais il est logé bien loin. Surtout que j'ose pas trop mettre mon doigt. Résultat, j'ai une demi-saucisse bloquée dans le derrière. J'ai déjà essayé de faire caca, mais elle est bien logée dans un recoin. Et mais ils sont pas tranquilles, les gens. Après de nombreux essais vains, j'ai décidé d'utiliser un aspirateur pour déloger la saucisse. Mais c'est un mytho. J'ai alors pris un aspirateur très puissant chez moi et j'ai retiré le gros embout pour n'avoir plus que le tuyau. Mais parce qu'il s'est fait aspirer les boyaux. J'ai ensuite enfoncé le tuyau à la surface de mon anus et mis la puissance maximale pour attirer la saucisse. Non mais il est trop con le mec. Oh my god, la douleur. J'avais l'impression qu'on m'arrachait les intestins. Oui, c'est normal. Oh, merde. J'ai par réflexe arraché le tuyau de mon anus sans même éteindre la puissance tellement ça faisait mal. Et là, au secours, mon anus ressort tellement... Mon ressort complètement de mon cul. C'est horrible. Il y a une espèce de boule rose de 4 cm environ qui ressort de l'autre côté. C'est épouvantable. Oh, c'est my un god. Petit cochon maintenant. J'ai essayé. Il faut qu'il aille voir le docteur là, ouais, c'est attends, grave. Attends, j'ai pas fini. J'essaye de la rentrer, mais rien à faire. Ça fait hyper mal quand je touche et ça reste à l'extérieur. Je vais quand même pas rester comme ça à vie. En plus, la saucisse est toujours bloquée. Ça dégoûte pas le corps s'il continue à bouffer sa crème. Ah, je sais pas comment tu fais, mec, mais moi je peux pas là, c'est impossible. On termine, je peux même plus marcher maintenant, ça fait trop mal. C'est à peine si j'ai réussi à me lever pour aller sur mon PC. Je peux même plus m'asseoir sur ma chaise avec cet anus ressortissant. Que faire? C'est pire. Et pas question que j'en parle à mes parents ou à un médecin. Trop la honte de raconter ce que je me suis inséré une saucisse dans l'anus. Je n'ai que 16 ans. Ma vie est foutue. Oh, mais non. Bordel de merde. Mais bien sûr que ta vie elle est foutue, mec. Tu te fous pas une saucisse dans le cul. Ça va pas. Et même si tu le fais et qu'il y a un problème, si tu veux, à partir du moment où tu fais un truc un peu spé, dis-toi que. Mais c'est... Peut-être que tu vas devoir en parler à un médecin. C'est clair. Non mais surtout, imagine. Non mais le pire, heureusement qu'elle s'est pété la saucisse, parce que sinon il aurait fait quoi après? Il aurait pris carrément juste un bridou dur, hein. Non mais arrête, je suis pas bien du tout là. Imagine-toi la souffrance du type. Oh, j'imagine. Dit-il, une merguez dans le trou de balle. Dit-il en mangeant une saucisse. En mangeant une pizza, pardon. Bah ouais, ça me c'est pas tellement le fait d'avoir entendu l'histoire qui me dégoûte, parce qu'il y a pas peu de choses qui me dégoûtent. Mais je me mets à la place du type et j'imagine sa douleur. Et putain, il doit super avoir mal. Mais ça, t'es dégoûté, mec. T'es obligé d'être dégoûté de ça. Non, mais moi, tu sais, je suis pas sensible. T'as jamais eu de soucis, toi? Moi, ça me fait mal aux yeux. T'as jamais eu de soucis avec ton index? Ton index? Ouais, la dernière fois, quand j'ai voulu te le mettre dans le cul. C'était facile. Bon, il y a Alexandra qui a envoyé un message sur le groupe Facebook qui dit 16 ans pour interrogation. Bah ouais. Et Odie qui dit ah, c'est horrible. Maëva qui dit c'est dégueu, mais quel con. Et le Corse continue de bouffer. C'est Alexandra qui avait envoyé le message. Ah bah ouais, comme il dit, il y a pas grand chose qui le dégoûte. Il y avait quoi d'autre aussi qui est arrivé? C'est normal, j'ai mal au cul. C'est Jay qui avait envoyé le message. Et Laura qui dit c'est un fake. Bah lui peut-être, mais quoi qu'il en soit, il y a des gens qui se sont déjà mis des trucs improbables dans le fion. Oui, c'est mais bien. De donc, là, même c'est si avoir si l'anus lui... qui ressort et boule de non, boule mais il a peut-être, rose de 5 cm. Mais non, mais c'est quand il a mis l'aspirateur. Mais c'est possible, il y a peut-être quelque chose d'autre qui est passé. Maintenant, c'est vrai que c'est bizarre que la saucisse soit toujours logée dans le fion alors qu'il a arraché tout l'intérieur de son cul. Mais... C'est surtout dégueulasse, quoi. Mais c'est bien fait pour toi, gros crado, à vouloir te foutre des saucisses dans le cul, tu vois. Donc, attends, genre, tu t'es jamais rien mis dans le fion. Ben un sexe d'homme, mais des saucisses. Même pas un petit. Vous avez vu qu'il y avait un nouveau god, le god Obama, l'Obamarator. On l'a avec Emily, on se le met à deux. Non. Ah bah très bien, $20, 21 cm. Et est-ce que ça a fait 21 cm ou 23, je sais plus. Ouais, c'est pas. Putain. $20. 20 c'est dollars. C'est pas cher pour prendre son pied avec Obama. Ah non, c'est $30, pardon. Bah ça va. $30, 21 cm là que du. Mais ils ont le droit de faire ça. Mais non, il a dû porter plainte le dos. Oui, bah peut-être, mais enfin le truc. Si je. Le truc il est sorti quoi qu'il arrive. T'as vu, c'est plus glamour avec Obama qu'avec Jacques Chirac quoi. Ah oui, là. Le gars Chirac. Avec Sarko, mec, t'imagines. 10 cm. Ouais, le Sarko, ouais, c'est clair. C'est 10. Un tout petit dos. Très très court. Avec talonnette sous les couilles. Donc dites-nous si vous avez déjà mis. Si vous vous êtes déjà mis quelque chose et que ça s'est bien ou mal passé. Il y a Anthony qui dit c'est un mytho. Non mais on s'en fout, après ça arrive, même si lui est un pipeau, peu importe. Si lui en l'occurrence c'est un mytho, il y en a que c'est vrai. Bah voilà, il y en a qui c'est non, mais bien sûr qui c'est arrivé, c'est, hein. C'est sûr et certain, sûr et certain. Ou même un truc qui voilà, une sorte de légume qui devient mou direct et qui doit après rester dans le fion. Tu connais ça, toi, Pierre? Mais non, mais moi ça Pierre, me c'est le concombre. Moi, c'est pas ça, c'est que moi j'ai des histoires comme ça avec je crois que je vous l'avais déjà dit là, le mec, le fermier là qui prend le truc du pied de la vache pour tirer le lait, il se le fout sur la teub. Oh, et le truc qui la machine du lait ouais, et du lait, c'est le truc sur la teub qui m'a fait mal, exactement, non. Et le truc reste sur la teub et ça lui pompe, donc du coup au début il kiffe parce qu'il a une érection, sauf que ça lui pompe tout le sang, et là c'est pas que la verge elle gonfle, et là boum, elle explose. Non, et le mec il a une hémorragie. Il s'est vidé tout son sang, ouais, des 3-4 litres de sang ou 5 litres là dans le lait, dans la citerne de lait. Et le patron, le fermier, il est revenu le lendemain, il a vu son petit commis bouse là complètement mort dans la tête dans le fumier là. Ah, ah mais va dire à ses parents comment il est mort quoi. Bah il s'est fait pomper par la machine à traire là. Sinon, rassurez-vous, il y a des conseils qui sont arrivés sur Facebook mais sur le forum. Parce que ce qui est le plus drôle en général, c'est pas forcément la question, ce sont les réponses. Ah oui, ça doit être très drôle ça. Et dans les réponses, il y en a un qui s'appelle XMPLTDF, hein, bon bref, qui dit continue à t'en enfiler, le petit bout cassé finira par ressortir par la bouche. Oh. Quel horreur. Voilà. Alors il y a quoi d'autre aussi? Il y a Eloyane aussi qui disait bah moi j'ai déjà vu le cas sur un chiot et le pauvre effectivement il avait l'air de douiller mais à part la chirurgie il y avait rien à faire pour lui. Un chiot? Un chiot apparemment. Mais attends, quelqu'un a mis un truc dans le cul d'un chien? Bah je sais pas, visiblement un dingue. Et attends. Et là je vous assure que c'est pas une légende urbaine pour le coup. Vraiment dans le village où j'habitais, il y avait des fous là, on a tous des villages, tu vois. Et moi c'était un tout petit village vraiment. Et il y a un mec, je t'assure que c'est vrai, parce que j'avais un pote pompier qui était allé en intervention chez lui. Il a baisé avec une chèvre. Avec son clébard, il est resté coincé, s'il te plaît. Oh, ah putain de et merde. Un tout petit chien et le mec, c'est pas que ça a fait le tour de tout le putain de village. Et c'est surtout que le mec en pleurs et tout, il a craqué, il s'est lâché parce qu'il a cru qu'il allait mourir et il dit déjà que ma mère et mon père sont son frère et sœur et tout, j'ai vraiment une vie de merde et tout. Et t'as les trois en fait, ils se baladent tout le temps ensemble, c'est des grands oufs. Oh merde. Et sa mère, eh ben c'est la sœur de son père. Donc lui c'est un débile fou, on l'appelait Astérix parce qu'il avait une grande moustache de malade. Et il enculait son chien. Et le mec il enculait des fixes. Tu sais que quand j'ai tout ce qui est incestueux, c'est horrible. Quand j'étais jeune, j'avais écouté une émission aussi folle que la nôtre hein, parce qu'il y avait des histoires comme ça et tout. Je sais plus ce que c'était. Et j'avais entendu une meuf qui était restée coincée avec son mec et du coup ça me faisait trop peur. J'avais trop peur de rester coincé pendant l'acte sexuel. Mais c'est surtout dans l'eau et dans le bain parce que ça fait ventouse. Non mais ça peut être si t'es stressé et tout. Oui mais surtout non, dans l'eau. Non mais coincé comment? Coincé tu peux pas. Mais oui ça fait ventouse. Ça fait ventouse d'un coup. En fait elle était restée coincée. En fait si tu veux elle était sur une chaise. Et son mec était assis sur la chaise et elle était dessus. Après je sais pas si c'est une vraie histoire ou pas. C'était une histoire. Voilà la meuf avait appelé la radio pour raconter ça. Et en fait elle avait entendu la porte. Donc c'était ses parents qui arrivaient alors qu'ils devaient pas être là. Et du coup la meuf elle s'est tellement stressée qu'elle s'est contractée. Ça a fait ventouse et elle est restée collée sur son mec. Et ils ont été obligés de les amener à l'hôpital avec la chaise parce qu'ils arrivaient pas à la décoller. Attends, on a du coup passe devant tes parents et tout avec la chaise. Bon il aurait mis des draps et tout mais genre sur ton mec en mode califourchon. Quel enfer. Et du coup ça m'a toujours fait trop peur quoi. Bah pour le coup on a une histoire comme ça avec Mika là. Quoi? Une nana qui connaissait mais c'est pas une nana rien à voir hein. une nana que t'as pas tiré pour une fois. C'est rare. C'est une des rares. Et la nana avait pété le frein de son mec. Son mec attendait. Oui mais tu sais que c'est arrivé à un pote à moi. Elle lui a pété le frein. Elle lui a cassé la queue. Ah c'est qui déjà qui nous a raconté ça? Comment ça il lui a cassé la queue? C'est-à-dire en fait si tu veux il était sur le plumard allongé avec le braquemar au beau fixe là. Ouais. Et la meuf elle a sauté dessus genre les deux pieds en avant. Elle a sauté dessus et le mec il a pété la queue en deux au milieu hein. Ça a fait pouf coupé en deux. Oh. Et le mec pas coupé mais tu sais t'es le nerf le droit quoi. Il a mis quoi un plâtre de bite. Mais c'était dans Grey's Anatomy ça. Non après il a dû mettre non c'est pas ça. C'est quelqu'un qui nous l'a raconté. C'est pas ça c'est qui. Après tu sais quoi pour le réparer sa queue là il a dû mettre sa queue dans le cul d'un petit chien pensif. J'ai le problème du mec. Oh non, c'est dégueulasse. C'est quoi, c'est l'anus. C'est le seul anus qui ressemble quand même à une chatte hein, il faut le savoir hein. Non, je veux pas avoir, je crois. Oh, j'ai mal. Je t'aime Delphine. Oh, l'anus. Non mais attends, c'est une ville. Ah oui, c'est ce qu'on appelle des hémorroïdes externes apparemment. Voilà, non, c'est toi qui m'envoyais ça par SMS. Moi, j'ai pas envie de voir parce que j'ai peur de faire des cauchemars. Mais non, mais c'est digne là. J'ai envie de vomir. Voilà, c'est est-ce dur, que ça ressemble au cul des singes non, le cul rouge? Ah oui, exactement. Bah écoute, ça ressemble à des trucs bizarres, mais c'est un cul de bonobo. Concrètement, si vous voulez voir, tapez hémorroïde externe sur Google Images. Ah, rien que le mot hémorroïde me dérange. Ah bah, surtout externe. Hein, Oui, externe, voilà, tu l'imagines, là, c'est l'horreur. J'ai envie de vomir là. J'ai mieux là si tu veux, regarde Mika. C'est quoi? Attends, mais ça te donne la gerbe. On dirait trois burnes. Mais me frappe pas, il est fada lui. Mais regarde. On dirait trois testicules de viande hachée. C'est dégueulasse. Je vous en mets 500 grammes, ma petite dame. Attends, j'ai pas envie de voir, ça me fait trop peur. Vas-y, regarde. Non, mais là, tu regardes ça, t'as envie de vomir pendant une heure. Qu'est-ce qu'il a, le mec? En fait, celui-là, il a trois grosses boules. On dirait que c'est faisandé et c'est de la viande hachée. C'est faisandé, mais tout est dégueulasse. et on dirait qu'il y a de la ficelle autour. Gagne, gagne. Gagne, je veux pas regarder encore. Mickaël, il est content parce qu'il fait en fou, mais il cherche ses petites images. Non, je veux pas, regarde, non, je suis courageux, il est pas là, je veux pas. Regarde, regarde, regarde, vas-y, vas-y. Mec, là où il y a pas un homme. Bah, nique ta mère, ça. Non, mais comment on peut avoir un fion comme as là? J'ai envie de vomir, franchement. Et son fion, c'est aqualite, s'il te plaît, là. C'est dégueulasse, c'est laiteux comme tout, là. Oh là là, dis donc, ah ouais, c'est violent. Qu'est-ce hein. Pourquoi les gens font ça avec leur cul? Pourquoi vous faites ça avec vos cul? Très très dur. Ne me regarde pas quand je dis ça, moi je suis rien avec mon cul. Attends, il y avait une meuf, s'il te plaît, qui s'était rentrée, mais un truc de diamètre, mais tellement improbable qu'on aurait dit. C'était moi, je peux en parler. Non, mais tu sais, un plot qu'il y a sur les routes, là, pour prévenir d'un accident. La meuf, elle s'était rentrée ça, mais genre le plot, il était à la moitié, quoi. Et tu dis comment qu'un fion, il peut se dilater comme as, là? Comment qu'un fion il peut dire Il y en a bien qui se font fister à maintes reprises. Alors t'imagines, après ton anus s'habitue à être écarté, mais et ça que... rentre tel une... Je sais pas, moi. Ce qui est horrible, c'est que tout ce qui est imaginable par le conscient humain, c'est tout ce qu'on peut imaginer, faisable. Ça a déjà été fait par quelqu'un. Moi, je suis sûr. Ah, oui, donc les trucs les plus dingues du monde, tant que ça passe par ta tête, c'est quelqu'un l'a fait, je suis sûr. Laisse tomber avec le micro, quoi. Le message qui s'envoie, il y a Maureen qui dit putain, c'est trop dégueulasse, je viens de voir. Oui, bah, je vous ai pas forcé, hein. Ne regardez pas les enfants, ne regardez pas. En même temps, si tu forces les gens à faire ça, c'est qu'il faut arrêter cette émission tout de suite. Nathalie qui dit putain, mais c'est dégueulasse, sérieux, je viens d'aller voir, j'aurais pas dû. Et Tania qui dit oh mon dieu, je viens de regarder, j'ai l'estomac au bord des lèvres. Oui, bon, ça va bien se passer, va, t'inquiète pas. Quelle lèvre. Bon, allez, on revient dans un petit instant, on se met un peu de pub derrière. On sera de retour avec le son de My Chemical Romance. On en parlait putain, tout à l'heure. Qu'est-ce que je les aime. Ils étaient en concert hier avec Goom Radio à Paris et bon, on les a eu au téléphone d'ailleurs avant le concert. Hein. On fait péter le son maintenant. My Chemical Romance, c'est juste après la pub. Allez, bougez pas. Chemical Romance à l'instant, c'est. Bah, qu'est-ce qui t'arrive, dis donc, le corps là, pourquoi tu nous as flingué la fin là? Pourquoi tu nous as flingué là? On était à fond là. Mais ça descendait. Bah, je sais pas, parce que tu as commencé à parler. Bah, et alors, c'est pas grave, tu peux laisser pisser. And right here. Bah oui, il right faut laisser now. Pisser la fin, là, surtout qu'on a. Désolé. T'as la fin de la guitare, c'est le. Je peux chanter la fin suivant. Non, mais ils avaient fini de chanter, c'était juste un petit effet de guitare qui restait. Bon, toujours 3-0 pour Lyon, pour Benfica, pardon. Désolé pour les Lyonnais qui viennent de débarquer. Benfica Lyon, 3-0 pour Benfica, 1-0 pour Valence face à Glasgow Rangers. Il y a Manchester United qui a ouvert le score face à Bursaspor, c'est 1-0. Tottenham 1-0 face à l'Inter de Milan. Toujours le nul, 0-0 Werder de Brême face à Twente et Hapoel Tel Aviv Schalke 0-4. C'est également toujours 0-0 et c'est la deuxième mi-temps, on est à peu près entre la 50 et la 55e minute sur tous les terrains et bien évidemment, eh bien on vous tiendra au courant dès qu'il va se passer quelque chose. Ça tombe sous le sens. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, on aura dans un instant également l'appel coquin. Ce sera tout à l'heure avec Pierre évidemment. Et puis ah oui, je vous parle d'un truc aussi là. Oui, apparemment les hommes ne se serrent plus la main ni même. Alors, comment tu dis bonjour à un mec en général, toi, Mika? Moi, je fais, ça dépend. Mes amis très proches, la bise. Après, au taf, le check. Et avec mes potes Jay-Z et tout, je fais des hugs. C'est quoi les hugs? Non, mais c'est des câlins. Moi, j'aime bien les hugs à l'américaine. Je trouve ça canon. Moi, c'est cool. Stylé. Tu sais, t'arrives, tu fais un hug, quoi. Tu vois. Bro. Mais c'est quoi en fait? Je sais pas. Un hug. C'est un œuf. C'est en fait, je vais pas te le faire parce que pour le coup, c'est pas radiophonique mort. Mais enfin, genre, je fais comme ça. Je fais comme ça, Emily. Genre, je fais comme ça. T'as trop envie de me faire un câlin? Un hug, c'est un câlin. Mais c'est la traduction, c'est câlin en fait. Voilà. C'est comme dans les séries américaines. Arrête, c'est comme ça. C'est en mode. Bro. Et toi, Pierre, tu fais comment? Pareil que Mika, exactement pareil. Ouais, mais tu t'as pas trop de. Ça veut dire que je check Mika, moi. Tiens, bon, il allait fracasser. Mika, il allait fracasser Pierre, il a dit, mais dis, tu as pas trop de personnalité. Mais non, mais toi, le corps, tu fais comment? Moi, je serre la main ou je fais la bise. Tu serres la main ou tu fais la bise, d'accord. J'ai remarqué que tu fais aussi des bisous papillons pour dire bonjour. Ouais. Mais ce qui m'avait choqué, moi, quand j'étais venu sur comme Paris, ça. C'est que les garçons ne se faisaient pas la bise. Ils se checkaient la main, mais même des très très bons potes. Mmh. Alors que dans le sud, c'est beaucoup plus, ouais. On se fait la et bise pour entre le coup, mecs. À Bruxelles aussi. Enfin, en Belgique, on fait ça aussi. Donc c'est pour ça, quand je suis arrivé ici, c'est vrai que c'était bizarre, mais bon, ouais. J'en ai rien à foutre, mais. Oh, mais toi, c'est chelou, tu fais une bise, toi. Bah ouais, mais non, mais c'est pas, c'est tout pas chelou. Tout à l'heure, il a failli m'en faire deux, mais moi, j'ai pris l'habitude de lui en faire qu'une. Ouais, du coup, une, il s'est retourné, parfait. Il a dit, j'ai déjà le vent. Mais je non, mais pourquoi chelou? C'est, à Paris, c'est deux, je crois, en Belgique, c'est chelou. En Belgique, c'est deux, mais non, mais dans certains endroits de France, t'en fais quatre, t'en fais trois, t'en fais un. Ça arrive, hein. Ils se maquent, c'est cool ça. Ouais, bah alors justement, putain, je suis russe, moi, je vais dire ça maintenant. En parlant de ça, 89% des étudiants britanniques ne voient aucun mal à échanger un baiser comme signe d'amitié entre mecs, mais sur la bouche. Non, mais c'est vrai, hein, c'est marqué. Non. C'est bon ça. Mika, tu pourrais faire un bisou au Corse? sur la bouche. Mais attends, c'est vrai que les filles, c'est plus. Jamais de la vie, c'est inimaginable. Non, mais alors ça, moi, je t'expliquais. Plus jeune, toutes les soirées bourras que je faisais, tous les week-ends, en fait. On faisait ça avec des potes, parfois, parce qu'on avait nos copines qui faisaient, ah, bisous, bisous, et tout. On était là, on faisait, ouais, on faisait des smacks. Si, si. Tu fais des bisous à des mecs comme ça pour le fun? Non, pas à des mecs. C'était mes meilleurs amis. C'était, ouais, mais encore aujourd'hui. Je pourrais faire un smack à Pierre, je m'en branle. Moi, je m'en branle. Mais tu peux le faire en soirée, genre en mode, ouais, Pierre. Il dit pas toute l'histoire parce que ses potes, ils disaient, mais attends, tu l'encules. Il le faisait aussi, ça. Vous savez que tu fais souvent, toi, ça? Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ça, avec les filles aussi, je le fais souvent. Ouais. Ouais, mais qu'est-ce que filles, c'est rien, les smacks? Ouais, non, c'est rien, je sais pas, moi je trouve ça bizarre. Bah, moi je sais que je pourrais jamais de la vie faire un smack à un type, je pourrais pas. C'est. Toi, Emilie aussi, tu pourrais pas smacker une fille? Si, mes copines, j'ai déjà fait. Mais je sais pas, ça me fait pas, je trouve pas ça plus fun que ça, quoi. Ouais, je préfère rouler une grosse galoche à un mec que de faire des bisous à toutes mes copines, quoi. Et tu serais capable de rouler une galoche à une meuf? Non. Une galoche? Capable, oui, ça dépend. Si tu me donnes 15 000 balles, bien sûr que je le fais, mais attends, c'est pas mon kiff, quoi. Sensuel avec une, genre Cécile? Non, je peux pas. Bah, ouais. Encore moins, je la connais trop. Mais même, une meuf ne m'attire pas du tout. Avec une caresse sur le dindon en plus. Ah. Attendez, en revanche, je peux parler d'un truc qui vient de me traumatiser. Je viens de recevoir un message privé d'un certain Michael, hein, qui me dit « Salut Emily, j'ai trouvé une vidéo vachement gore d'un truc dans l'anus. Le mec est taré, si tu veux montrer ça à toute l'équipe. J'ai donc une question, pourquoi tu me l'as envoyé à moi en fait ?» Bah parce qu'il t'aime bien et qu'il veut te faire partager ce genre de vidéo. Pourquoi le truc gore dans l'anus dans ma boîte mail? Là, ah, vas-y, envoie, envoie. Et Pierre va débarquer pour aller voir ce que one c'est. One guy, one cup, il y a marqué donc déjà, je suis pas bien. Ah, c'était horrible. J'ai la vidéo. Non, j'ai... ça me dégoûte. Moi, j'étais un copain. Moi, il m'a dit viens voir, c'est trop sympa et tout. J'ai regardé. Après, il m'a accroché. J'ai dû regarder un peu comme Pierre la dernière fois avec le film de cul. Le pire, c'est le. C'est, je t'assure que c'est vrai. C'est le Two Girls One Plate. Sur ma plate. Ah, dans une assiette. C'est une assiette. Le mec, il chie dans ce plat et il fait comme ça. C'est dégueulasse. Et il lui fout dans la bouche. Et la meuf, elle fait no, no, please. Et là, boum, boum. Et ça dure, mais genre 10 minutes. Moi, perso, je suis ouvert à plein de trucs. Il y a plein de trucs, même si je fais pas, mais tu vois, qui me dégoûte pas. Tu vois, si les gens le font, ça me dérange pas. Mais franchement, la pisse et la merde. Et je sais pas. Franchement, faut avoir un problème, quoi. C'est clair. J'ai regardé une vidéo, une meuf, elle est dans un cornet comme les chiens quand ils ont mal aux oreilles, là. Tu sais, on fout les chiens dans un entonnoir. Ouais. Et là, une meuf avec un entonnoir. C'est dégueulasse. Alors attention, ça commence en mode bug cake, donc tout le monde éjecte sur la gueule de la nana. Oh merde. Et comment ça finit? Il y en a un qui commence à pisser dedans. C'est dégueulasse. Donc l'entonnoir se remplit, elle et la meuf à la fin, tu sais comment ça finit? Elle fait des bulles. Merci pour ces détails, Pierre. Je t'assure que c'est vrai, c'est horrible. On est ravis d'avoir ces détails. Il y a Marion qui dit et c'est reparti. Bah oui, c'est un peu ça. Il y a vraiment des gens bizarres, quoi, mais c'est pas possible. L'horreur, c'est vraiment dégueulasse. T'imagines la fille, à quel moment elle se dit je vais prendre du plaisir en faisant ça, quoi. Je sais pas. Franchement, il faut avoir un problème. Je ne peux pas dire plus. Non, déjà que ton micro marche pas bien, alors si en plus tu parles loin du micro, on t'entendra plus du tout le corse. C'est comme les zoophiles. Ah, voilà, ah oui, non, mais les zoophiles, bien sûr. Je te vois, il est neuf, se faire enculer par un chien. No, eh oui, ben, tu préfères faire l'amour avec un animal ou te faire faire caca dans la bouche? Enfin, un animal, ça veut rien dire cet exemple. Mais si, il trouve. C'est alors, tu préfères quoi? Ah, limite. Mais ça va ou quoi, toi? Tu me regardes? Non, je réponds pas. C'est quand tu auras des gosses. Tu préfères où aller? Tu préfères aller là-bas chez ton copain ou tu préfères que je te coupe le doigt? Ça veut dire qu'il y a un truc que tu trouves cool entre l'animal et le caca dans la bouche, toi. Mais ça n'a rien à voir. Mais en même temps, un gosse, il va te demander ça. Mais c'est bizarre tes comparaisons quand même. Ah oui, c'est dégueulasse. Je sais pas, le but c'est que ça soit dégueu et que t'arrives pas à choisir. Très très bizarre. Bon, il y a Fredo qui coupe, hein, il n'écoute plus parce qu'apparemment il y a l'héritier qui écoutait et puis la présidente qui gueule. Donc bon, en même temps, bon, bah c'est la nature, hein. Enfin, c'est la nature, Enfin, on parle de la nature, se faire pisser dans la bouche et faire des bulles après, non. Bah, non, c'est une nature bizarre que je ne connais pas. Non, là, c'est pas la nature, on est d'accord. Et comment l'être humain a tout de suite compris qu'il fallait pas faire ce genre de choses? Tu vois ce que je veux dire? C'était pas normal, clair. Parce que ça aurait pu rentrer dans les mœurs. Attention. Mais dis-moi, tu crois qu'Adam et Eve, à Noël, imagine qu'un connard un jour dit, je sais pas, en 234 après Jésus-Christ, il dit bah à Noël, on va bouffer notre merde, en fait, c'est la mode. Hein. Mec, on boufferait notre merde tous les jours. Oh. Bah en même temps, c'est ça, c'est une merde au marron. Hein. Si depuis ta naissance, tu manges de la merde, tu t'en rends pas compte, hein. C'est parce qu'on a été justement habitué à un truc. Bien sûr. Il y a des coutumes différentes. Bon, là, c'est un autre degré, mais chez les Chinois, ils bouffent des chiens, nous en France, impossible. Ouais, on bouffe des vaches et en Inde c'est impossible. Oui, voilà, c'est vrai, voilà, c'est ça. Exactement. Ouais, mais bon, c'est pas un résidu de notre production. Personne va dire, oh, je bouffe tous les matins ma mère, ça me donne un teint, c'est génial. Tu sais qu'il y en a un qui faisait ça et dès que je le croise, croisé dans mon quartier, puisque maintenant il a déménagé, mais heureusement, c'était Philippe Catherine. Et véridique. Ah, ils mangent son caca. Le mec, le chanteur Philippe Catherine, il bouffe, il est scatophile. Non, il collectionne son caca. Non, mais il le mangeait et il avait expliqué de manière très sérieuse que genre il buvait sa pisse le matin au petit-déj parce non, que mais ça, y en a plein qui le font parce que c'est genre régénérateur. Mais surtout, ne faites pas ça, c'est dégueulasse. Il est sorti de votre corps, c'est qu'il faut pas que ça. Exactement. Bien sûr. Il était derrière moi au tabac, mais tu sais comment je serrais là. Je pouvais pas. J'étais comme ça. Je faisais non. Au pire, tu te prends une cuillère d'huile de morue, voilà. Mais ouais. Ne mange d'huile pas de plus. Morue. D'huile de foie de morue. Non, de morue aussi. Non, mais c'est du foie de morue, mais c'est pareil. Cécile, on t'a compris. On sait que t'es habité en haut. Bon, allez. Ce que je propose, c'est qu'on se mette un petit peu de son là. Hein. Forest Allez. Movement maintenant avec Like a JSX et puis on parlera de pas mal de choses, notamment tous les messages qui sont arrivés aussi sur le groupe Facebook facebook.com/mikl officiel. On parle de ça dans quelques instants. Forest Movement maintenant, et puis on se mettra un petit Black Eyed Peas aussi tout à l'heure. On n'est pas encore lassé The Times pour l'instant. The Time, ouais, on ne chie pas dans les assiettes, on verra. Ouais, non, bien sûr. Allez, Forest Movement, c'est parti, et puis on refera un tour du côté des matchs de la Champions League tout à l'heure. Forest Movement à l'instant, Like a JSX sur Goom Radio. On est là tous les soirs entre 20h et 23h. Vos messages qui arrivent aussi au 01 55 64 13 24. Et but, mais de je sais pas qui apparemment, c'est pas 4-0. Et il est magnifique. Oh, mais c'est quoi cette piquette là, magnifique. Le but, c'est un petit lob pichenette. C'est à dire que c'est très très dur, hein. Mais là c'est mais attends, c'est Sonny. Non, j'ai cru que c'était Sonny Anderson qui joue. J'ai rien compris. C'est très très c'est à dire que Claude Puel là, il est dans un état de nerf Claude Puel là. Et ben là il va dégager, mais direct. En plus, c'est Jordi qui a marqué quand même. Ça, ouais, c'est ça. Regarde, comme il est beau. Attends, hop, regardez là. En même temps. Hop là. Petit love. Ciao. Ok. Et hop là, il passe au-dessus. Oh, il a même pas essayé d'avoir. Hein. Magnifique. Et voilà. Et hop là, but. Donc ça nous fait 4-0 pour Benfica. C'est très très dur la violence là. Parce que autant ils avaient gagné au match aller, je crois que c'était 1-0, une connerie. Ouais. C'est-à-dire que là, ils sont vénères. Il est beau ce ballon. Mais dans les stats, Benfica, ils sont plus forts que Lyon ou comment ça se passe? Benfica est premier du classement portugais, ils ont plus, donc à partir de là. Ouais, mais en palmarès et tout quoi. Non, oui, en palmarès peut-être. Mais si après, veux, c'est ouais. vrai que cette année, sur le. Ouais, en fait, ouais, c'est la phrase de grand-père que j'allais dire, une phrase de grand-père de merde, mais bah, il y a plus de grandes équipes. À chaque fois, je l'ai dit, mais c'est vrai. Ça y est, parce c'est parti là, ouais. Il y avait l'Espagne parce que bon, ils sont bons, mais. Parce qu'ils ont de la chance, surtout là, ils ont de la chatte et tout. Non, ils sont mais bons. Mais si, face au Portugal, ils devaient pas gagner, c'est une faute. Enfin bon, on va pas revenir là-dessus, hein, c'était ouais, content. C'est Hollande, ils ont mis. Et les Hollandais aussi, ils ont quand même gagné en faisant des trucs pas très catholiques, hein, pour le coup, les Chouros. Tu aurais vu qui gagner la Coupe du Monde après la Hollande? Ah, j'en sais rien, moi j'y connais rien en foot, mais pas les Chouros. Moi, ah, si j'aime pas les Français non plus, parce qu'il fallait un peu qu'ils redescendent sur terre là. Ouais. Tu vois, en disant bon ben voilà, vous êtes une équipe de branquignoles là, maintenant vous allez tout recommencer, puis après vous allez refaire. Un pays d'Afrique que j'aurais bien aimé. Ouais, non, mais oui, pourquoi la Guinée, pas. Ou le Ghana. Le Portugal, j'aurais été bien. Ah. Ça aurait été cool, ça. La Belgique. Ah bah non, ils étaient pas dedans. Non, ils étaient pas dedans, mais ça aurait été drôle. Le Luxembourg, c'est le truc des ouais, trucs dramatiques. Non, mais ça aurait été cool. C'est quoi, Luxembourg? Moi, je suis très football d'Amérique du Sud, mais je me dis genre l'Uruguay ou un truc comme ça. Ou l'Argentine, une fois de plus. Ou Brésil, encore une fois de plus. Ah, vous, Brésil, j'aurais kiffé, putain. Ou une équipe d'Afrique, genre Côte d'Ivoire. Voilà, ça aurait été calme. Il y avait le Côte d'Ivoire de Didier Drogba, ou sinon il y avait le Ghana de Michael Essien. Ouais. Et le Cameroun de Samuel Eto'o. Tu vois, ils se sont pas mal défendus, hein, le Ghana. Ah, il a reniflé, ouais. Ouais. Il a reniflé. Ouais. Ils sont pas mal défendus, il faut. Ouais. Ça dépend, mais. Ouais, c'est vrai. T'as pas tort. Tu te rends compte que c'est un tic maintenant? Ouais, t'as un tic, en fait. Non, mais je suis malade depuis 2 mois et demi. Ouais, non, mais c'est à cause de ce merde, en plus de ce rhume de merde. Hein. Ah ouais, c'est vrai? J'étais toujours très là comme ça, à me moucher et tout. Non, là, non. Enlève ton. Comme un toc. Enlève ta main du micro. Ah non, putain, d'où non, il vient ce putain? Alors, attendez, là-bas, silence, là-bas. Attendez. Non, c'est Pierre, ouais, c'est vrai, hein. Mais remets, ça faisait. Remets. Pourquoi je n'entends pas ce buzz? Pourquoi je n'entends pas ce buzz? Bah écoute, nous on l'entend bien en tout cas, hein, le buzz, t'inquiète pas, va. Oh, on l'entend très très bien, même le buzz. Bon. Ouais. On va parler d'un autre truc maintenant, c'est les rumeurs qui sont. Attends, on va couper le son du foot, hein, parce que je sais que le corps s'y suit, mais hein, soyons pas à fond dedans non plus. Hein. Donc les rumeurs qui sont courantes et les stéréotypes par rapport aux hommes qui sont plutôt ceci, les femmes qui sont plutôt cela, etc., etc. Donc on va faire le petit test maintenant entre nous. Alors attention, première question. Oh, on merde. Ne peut pas tomber enceinte pendant les règles, vrai ou faux? Faux. Vrai. Faux. C'est faux. Faux. C'est faux. Et non, c'est adhéré. Tu peux pas c'est faux, mec. Hein, non, je te dis direct, c'est faux. Hein. J'ai eu des problèmes avec ces merdes. Je dirais que c'est faux, moi. Bah, attends que tout le monde ait dit. Non, oh, non, parce allez, que j'ai attendu, faux, attendu la réponse non, de Mika et d'Emilie. J'ai dit Mika, j'ai l'impression qu'il a vécu. Non, mais j'ai dit au début. Hein, vécu ça. Et Emilie, peut-être qu'elle a raison. Ouais, ouais. Non, c'est faux. On peut tomber enceinte. On peut tomber enceinte. Effectivement, il est peu probable que vous tombiez enceinte, mais ça reste possible. Voilà. Mais on rappelle que pas par les fesses. Donc là-dessus, par contre, bon, et donc il disait aussi certaines femmes ovulent pendant leur règle. Un rapport sexuel non protégé pourra donc engendrer une grossesse. Donc voilà, attention. Vrai, deuxième question. La ménopause diminue votre libido. Vrai ça ou faux? C'est vrai. Alors écoute, je pensais que c'était faux. Ah mais la ménopause, ça rend dépressif. Non, ça rend dépressif. Moi je dirais faux parce qu'en partant du principe de base qu'une femme est une salope, elle a tout le temps envie. Ou alors peut-être que ça fait varier ta libido, c'est-à-dire que t'as des pics où tu vas être complètement shot comme de la braise et d'autres où tu vas être au fond de ton seau et pas du tout envie. Donc ouais, varier peut-être. Mais moi je vais dire que c'est faux. En même temps, quand t'as monoposé, tu sais que tu baiseras pas. Donc du coup, Et quand tu fais une partie de monopoly, tu baiseras pas quand t'es ménopausé. Bah parce que t'es un peu vieille et donc moche. Si tu baisses plus, c'est que c'est dur, quoi. N'importe quoi. Ouais, non, moi je pense que c'est faux parce que. Émilie. Bah, je te dis, j'hésite entre ça fait varier ou mais non, au contraire, faux. Ça te coupe, quoi. Bah, allez, mais décide là. Bah, non, faux. Faux, non, vrai, ça vrai. Vrai aussi. Voilà, t'es trop. Le Corse, vrai, faux. Faux, Pierre. Faux, bonne réponse. C'était faux, effectivement. Pierre, on est les galères. Et ouais, la ménopause peut avoir des effets désagréables comme les bouffées de chaleur, ce qui peut empêcher les femmes d'être d'humeur à la bagatelle. Oh, c'est très joliment dit, ça. Mais il n'y a aucun lien direct entre la ménopause et la libido, voilà. 3. Les antibiotiques diminuent l'efficacité des pilules contraceptives. Vrai. C'est vrai, ça. Les antibiotiques diminuent. Moi, je dirais faux. Moi, je dirais vrai. Les antibiotiques, ça te rend juste plus malade. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est vrai. Les antibiotiques, ça, je suis sûr que c'est vrai. Moi, je suis sûr que c'est. Eh ben, c'est faux. Ils disent quand même de lire la notice pour être certain, mais normalement, il y a pas de souci. 4. Comment ça se fait qu'on n'est pas encore de gosse parce qu'on s'y connaît pas trop, j'ai l'impression. Voilà. 4. Les femmes ont besoin de plus de sommeil que les hommes. Vrai ou faux? Faux. Moi, je vais dire vrai parce que je suis une grosse dormeuse, mais. Allez, je vais dire vrai. Ouais, c'est vrai, les femmes elles ont plus besoin de dormir. Parce qu'on est plus fragiles. Moi je dis faux. Ah, oh, parce que vous êtes des branleuses. Point barre. Alors? Et toi, Pierre? Moi je dis c'est vrai. Quoi que... Parce que comme ça, quand elles dorment, elles font pas le ménage. Elles trouvent des excuses, quoi. Ah ouais. En même temps, les mamans sont toujours levées avant les papas. Hein. Ouais, c'est vrai, c'est vrai ce aussi. Que dire donc aussi, je sais pas. D'accord. Ouais, donc c'est vrai. Moi je dis faux. Moi je dis faux aussi. Eh ben c'était vrai, effectivement, ouais. Les femmes ressentent plus le manque de sommeil que les hommes. L'étude révèle que les femmes n'ayant pas assez dormi sont deux fois plus susceptibles de souffrir d'hypertension. Et enfin la cinquième question. Votre médecin peut voir si vous avez déjà eu des rapports sexuels. Vrai, bien sûr. Évidemment, vrai. Bien sûr. Au CERN sous les yeux. Mais sans être gynéco pour autant, c'est ça? Médecin. Un médecin généraliste. Avec l'odeur. Il faut qu'il t'ausculte alors généraliste. Ouais, généraliste. Juste en te checkant comme ça là. En te regardant juste mais ou oui, en te touchant. C'est possible, mais c'est qu'il est médecin et voyante. Non, pas du tout. Quand il dit ouvrez la bouche. Et s'il y a encore du jus dans la gueule. Si la question existe, c'est que ça doit être vrai. C'est dur. Ouais. Si la question existe, c'est que ça doit être vrai. C'est bonne, bravo Cécile. Eh bien, les gens pensent que l'hymen est rompu lorsqu'une femme perd sa virginité, alors que l'hymen est déjà troué bien avant les premières relations sexuelles. Il n'existe aucun moyen pour un médecin de dire si vous êtes sexuellement active ou non. Donc c'était faux. Oh, c'est faux donc. Voilà, puis tu peux le percer avec simplement deux doigts donc. Voilà, déjà. Et puis en plus de faire ça. Exactement. Oui, en faisant du poney au poney voilà, club. C'était le petit quiz de la. J'espère que vous en avez appris c'est quelque bon chose ça, du coup. Hein. Bon, 01 55 64 13 24, si vous voulez nous appeler, il y a Vincent qui est au standard, donc allez-y, n'hésitez pas. Il y a le Facebook qui marche aussi, facebook.com/mikaelofficiel, et Josh qui dit arrêtez avec ces stéréotypes du genre les femmes font le ménage et les hommes bossent. Non, mais on est au 21e siècle, merde. Non, mais c'est ça femmes à la maison. Mais arrête le corps. On va pas repartir dans ce discours, dans ton discours comme ça là, c'est pas possible. Essaye déjà d'en trouver une, après tu verras si elle fait le ménage. Essaye d'en trouver une. Par exemple. Bon, et 4-1 apparemment pour Benfica là. Ça y est, non, j'enchaîne hein, parce que sinon il est resté là. Pour le Corse, il était parti là, t'as bien fait. On va rester là pendant 107 ans donc. Il a les mains plâtrées là. Ouais. Essayez d'en trouver une. J'ai fumé 10 joints, non, je plaisante. On n'est pas à l'abri. Non, mais on pourrait jamais de la vie. Craquer ou quoi. Bah, craquer les joints. Allez, on se met un petit peu de son maintenant. Enrique Iglesias avec Heartbeat. Oh, oui. Et puis, donc, comme je disais, 4-1 pour Benfica face à Lyon. Et pour le reste, rien à bouger. Le son d'Enrique Iglesias à l'instant avec Heartbeat, et tous les soirs on est là avec vos messages qui arrivent aussi sur le Facebook, facebook.com/mikl officiel. Et puis voilà, rien ne s'est passé sur les matchs. Si, 2-0 pour Valence, 3-0 pour Manchester, 2-1 pour Tottenham et face à l'Inter, et puis 4-1 pour Benfica face aux Lyonnais, et toujours un partout pour Copenhague face au Barça, et 0-0 pour la Poel Tel Aviv face à Schalke 04. Et moi voilà, je fais un gros bisou à Méline parce que je suis en train de m'enfiler son Nutella. Voilà, quelle merci. Horreur. Et alors elle bouffe, elle bouffe, elle bouffe, elle bouffe. Et puis là j'y vais avec le doigt. Et elle bouffe. Ouais, mais enfin t'as bouffé de la merde avant. Non, hein. J'ai pas mangé, j'ai mangé ma salade. Si tu veux un peu d'orange, je t'en donne, Mickaël. Non, c'est gentil. C'est gentil. C'est que pour moi. Oh, moi je peux en avoir un bout. Merde. Mickaël, on est plus tranquille. On est plus tranquille là maintenant. Je veux un bout d'orange aussi. Ah, allez me faire foutre. Bon, on va faire l'appel coquin. Ah oui, l'appel coquin. L'appel coquin. La brigade, c'est quoi? Brigade du sexe. Ça va être quoi au juste? Eh ben, s'il y a des gens qui ont trop sucé, ben, je les arrête. D'accord, ok. Allez, oh c'est parti, on écoute. Allô? Oui, bonjour, madame Leroux. Bonjour. Oui, bonjour, excusez-moi, c'est la brigade du sexe à l'appareil. Comment? C'est la brigade du sexe à l'appareil, bonjour. Oui, alors, donnez-moi des précisions. Eh ben, écoute. Il paraît que vous aimez bien la viande rouge. Qui vous a dit ça? Beaucoup d'hommes, madame. Mm-hmm. D'accord, mais c'est pas un mal en ça, hein. Je n'aime pas de viande rouge, j'en aime. Bon, enfin, avez-vous autre chose de plus sérieux à dire là? Ben non, mais vous, alors, mais je perds mon temps. Non, mais on est d'accord que vous bouffez des bites. Vous êtes dingue, hein. Vous avez besoin d'aller à l'hôpital psychiatrique. Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Allô? Allô? Qui c'est? Oui, bonjour. Excusez-moi de vous déranger, madame. On nous a signalé un excès de sodomie ces derniers jours. Je n'ai pas compris. On nous a signalé. Oui. Un excès. Oui. De sodomie ces derniers jours à votre domicile. De bruit. Non, de sodomie. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça veut dire faites attention à votre anus. Oh, c'est con. C'est horrible, Pierre. Interrompez la tousse, bonsoir. Oui, bonsoir, excusez-moi, la brigade du sexe à l'appareil. Oui. C'est vrai qu'il y a plusieurs personnes qui prennent des chambres juste pour se faire sucer la tub. Non, mais c'est des plaisanteries ou quoi, là? Ah non, c'est vraiment sérieux, plusieurs personnes. Interrompez-la tous, bonsoir. Et aussi, vous vous caressez les couilles en pensant aux femmes des autres. Vous voulez que j'appelle la gendarmerie? Bah, c'est simple, c'est des coéquipiers, pas de problème, appelez-les. Branleur. Jardin des Plantes, bonsoir. Ah, enfin une voix d'une pute, ça fait plaisir. Oh. Bonsoir, madame. Oui? Oui, c'est la brigade du sexe à l'appareil. Ah bon? Il paraît qu'il y a plusieurs individus qui s'occupent de louer des chambres pour bourrer le cul d'une grosse salope, c'est vrai? Oh, qu'est-ce que c'est que votre histoire? Allez vous faire un billet. Allô? Oui, on était coupé, sale pute. Mais à qui vous parlez? À vous, madame, bonsoir. Ah bah, merci. Ah bah, de rien, écoutez, alors il paraît que plusieurs individus s'occupent de louer une chambre chez vous. Non. Pour bourrer le cul d'une grosse pute, c'est vrai ou pas? Ah non, certainement pas chez nous, c'est pas notre genre, hein. Il paraît que ça sent le sperme chez vous, c'est vrai? Ah non. C'est la brigade du sexe, madame, s'il vous plaît, un peu de respect. Oui, bah c'est beau d'avoir du respect, c'est parce que vous me racontez, c'est des histoires. Alors, n'oubliez jamais ça, que la brigade du sexe vous encule. Ah bah, t'es gentil, merci beaucoup. Ah bah, merci beaucoup. Quelle horreur. Belle remercie en plus. Oui, merci beaucoup. Ouais, bah, il y a eu beaucoup de raccroches à jaunet quand même pour le coup. Hein. Oh, c'est normal. Ah bah, oui, c'est normal, tu m'étonnes, ouais. Allô, enfin la voix d'une grosse pute, ça. C'est dur. La quoi. Pauvre, elle avait l'air gentille en plus, elle avait l'air gentille. Par contre, c'est très très dur hein, pour le match pour les Lyonnais. Là, il y en a plein, les supporters lyonnais qui a mis une grande banderole avec marqué Puel démission. Donc, c'est entraîneur. Oh putain. En tout grand comme ça, donc c'est toujours sympa. Hein. Donc voilà, chaud. Et puis bah rien ne se passe. Donc sinon pour les autres matchs, donc je vous tiens au jus bien sûr. Si jamais quelque chose bouge, rassurez-vous. Voilà. Bon. Là j'ai eu un bug, je voulais parler. Et je crois que t'avais fait un rond au moment. Je me dis mais qu'est-ce qui lui arrive, là, un problème non, ou quoi? Non, en fait là, je voulais dire que Fredo, je t'avais dit que je te filerais des sous pour que tu paries pour moi là, mais au vu du match de ce soir, bah je pense que non en fait. Ouais, il vaut mieux pas, hein, c'est ah clair. Bah ouais, là pour le coup, mais effectivement, Mickaël, il y a tu eu... dois être tellement fané là. De quoi pour moi? Tu dois être dégoûté de pas avoir parié pour ton équipe. Bah oui, bah après je suis content. T'aurais gagné combien? Je suis content que Benfica gagne. J'aurais gagné 19 euros, je crois. C'est pas la mort non plus. Oh, c'est bon. Tout. Ouais, mais moi je suis pas comme Fredo, moi je mets pas 100 euros, hein. Je prends pas de risque à ce point-là. Il est fou lui. Par contre là, pour le coup, il aurait mis 100 euros sur Benfica, bah il aurait pris effectivement là, il aurait pris 190 euros. Quoi. Oh putain, t'imagines le nombre de repas qu'il nous aurait payé avec ça. Ouais. Aucun en fait ouais. Zéro. Ouais, il y aurait rien du tout, ouais, à mon avis, je pense. Bon, et il y a un sondage aussi qui a été réalisé encore en Grande-Bretagne, décidément ils n'ont que ça à foutre, hein, des sondages là-bas. C'est un couple sur 10 qui communique plus souvent par téléphone et email qu'en direct. Ah, oh, c'est triste. C'est quoi? Un couple sur 10 ne communique que par téléphone et email. Enfin, plus souvent par email et par téléphone qu'en face à face, quoi. Parce qu'ils habitent pas dans la même ville ou c'est pas le pas. Ah non, je parle de vrais couples. Peut-être genre, que c'est des gens qui travaillent beaucoup aussi. Bah peut-être, ouais. Ou alors tu sais, c'est ceux qui ceux qui communiquent la journée par mail ou par texto ou par téléphone, peu importe. Ouais. Et donc le soir, ils ont plus rien à dire. Ouais, c'est énorme. Ouais. Tu sais, y a rien de pire que d'être avec ta meuf ou avec ton mec, et ça va? Mais ça, je le remarque tellement au restaurant, tu sais, quand je fais avec moi aussi, j'étais au resto samedi dernier, j'avais été avec, je sais plus avec qui j'ai été, enfin bref, on était un groupe. C'était moi, c'est et, sympa. Non. On était, 2-0, 4-2 pour Lyon maintenant, Lyon. Enfin, merde, 4-2 pour Benfica. Voilà, c'est ça, et donc 2 buts pour les Lyonnais. On n'est pas là-bas qui reviennent, dans 7 minutes. 7 minutes, non, ça serait ouf. Ah, ça reste compliqué, mais enfin, on c'est possible, hein, c'est possible, c'est bref, pas tout est bref, possible. Bref, tout ça pour dire que j'étais donc derrière un couple qui était sur une table de 4 et ils étaient tous les deux du même côté, donc déjà c'est bizarre. Ouais. Rien, quoi. Rien. Pas un mot, quoi. Et peut-être qu'ils se caressaient et qu'ils voyaient pas. Ah, bah peut-être aussi, effectivement, ouais. Mais rien, quoi. Ils disaient rien de spécial. Je sais pas, ils étaient là, tout calme. C'est bon. Moi j'ai eu pire samedi. Ouais. C'est horrible. Rien, quoi. J'étais avec des copines et la table à côté c'était un couple. Oh là là. Alors déjà qu'il se disait rien. En plus le mec il arrêtait pas de nous regarder en mode mais j'ai trop envie de faire la soirée avec vous, quoi. Oh là là. Vous avez l'air de trop rigoler. Ah, ça, c'est horrible. Et on était trop mal à l'aise pour sa meuf. Au bout d'un moment, on le regardait, non mais attends, regarde ta meuf et parle lui, puisque là c'est dur, quoi. Ah, mais ça se trouve, mais il y en a beaucoup aussi, hein. Et de tout âge, hein. Des vieux, des plus jeunes, des messieurs. Des nains, même des nains. La dernière fois il y avait un couple de nains, ils parlaient pas, même quoi. Des moches, hein. Mais ils arrivaient pas à la table, donc ils se voyaient même pas. Mais c'est drôle, ça. C'est pas mal. Mais c'est vrai que c'est terrible, hein. Et je pense que plus on avance avec la nouvelle technologie, plus tu parleras moins à l'être aimé, parce que t'as plus besoin de ça, quoi. Bah, c'est à dire que c'est plus facile d'envoyer un message, quoi. Ah, mais c'est même quelquefois, c'est plus. Il y a des mecs et des filles qui se sont jamais dit je t'aime en face, toujours par texto. Ah oui, parce qu'ils sont timides, peut-être aussi. Non, mais au bout de 10 ans, attends, ça non, mais bien sûr, mais attends, au bout de 10 ans, je connaissais un couple, jamais de leur vie se sont dit je t'aime. Et pourtant, mais l'un sans l'autre n'existerait pas, quoi. Moi, c'est je connaissais un couple, et véridique, hein. Les mecs, face to face, ok? Face to face. Tête to tête. Alors, En plus, ça fait face to face. Donc, on a l'impression qu'il y a une touffe en face. Bon, et donc, tête à tête, quoi. Mais en plus, j'ai rien à dire. C'est ça qui est bon. Non, mais si, les gens qui étaient comme ça, là, mais c'était fou. J'étais tout jeune, et je m'en souviens toujours. J'étais tout petit. Mais qui les... J'en regardais en l'air, et j'ai dit, waouh, ils sont tellement grands. C'est que j'étais tout petit, j'ai un mètre long, là. Et face to face, c'est pas que les gens, en fait, ils se parlaient qu'au téléphone alors qu'ils étaient à côté, en fait. Et un couple, hein, ils arrivaient qu'à se parler qu'avec un autre support. Alors que même celle-là, elle fait, mais t'es con, on raccroche. Elle fait, non, j'y arrive pas. Là, il y a un vrai problème. Hein, mais même entre amis, avec Émilie, on est arrivé à un stade, on se voit tellement tout le temps qu'on ne se parle plus. Par exemple, sur le scooter, quand on rentre le soir, on se parle pas. Mais non, mais bien sûr. Et mais on arrive à dire... Non, mais vous voulez vous dire quoi? C'est sûr, ça. Mais ouais, mais c'est triste parce que des fois, je la regarde, je dis, mais j'ai plus rien à lui dire, j'ai envie mais de changer de pote. Mais tu me regardes plus comme avant déjà. Ouais, je le vois, il y a plus de désir. Non, mais c'est vrai, tu m'intéresses plus. Et il est terrible le malaise quand tu sais que t'as rien à te dire et que les deux savent, en fait. C'est ça. Et t'essaies de trouver des trucs quand même. Tu sors un truc et bon, bah, ça tombe à l'eau, quoi. Et là, c'est quand tu croises des gens que t'as pas du tout envie de voir et tu sais très bien que tu vas rien avoir à leur dire. Ouais. Donc du coup t'évites et la personne vient quand même, donc bon. Ouais. Et toi, ça va? Alors parce que ça fait longtemps, hein. Ça va. T'es dans le quartier là? Non, j'habite toujours tu sais là-bas à République, mais là je suis là, cool. je me balade. C'est cool. Terrible ça. Ouais. Et t'as vu le temps? Génial. Ouais, moi je suis là toujours, ok. Cool. Et c'est pour ça qu'il faut jamais dire ça va à quelqu'un quand tu le rencontres, parce que moi 15 fois je croisais quelqu'un, ça va, et là t'as un espèce de connard qui te dit non, ça va pas, et t'es super pressé. Mais tu peux pas partir parce qu'il te dit ça va pas. Tu sais, tu fais ça va, et tu traces ça va pas. Donc qu'est-ce que t'as ? Ça c'est dur. Et t'es obligé de parler. Ah alors bah que c'est ça. Ça voilà, c'est ça le problème. C'est que c'était arrivé aussi à un pote qui vient d'emménager dans un nouveau quartier. Tu sais, il voit les nouveaux voisins, etc. Il fait connaissance. Tout va bien, machin. Puis il y en a une. Et alors, ça va? Non, non, ça va pas, non. Oh là là. Et tu sais, il caillait et tout le monde. Ah bon? Non, non, et puis il raconte sa live avec son mec, ses barricades. Enfin, putain, il en a eu pour une heure et demie, quoi. Bah, ça, c'est tout le temps ça. Sur le pas de la porte, t'es pour rentrer chez toi, là, t'en as marre. Déjà, je suis jamais à ma maison, donc j'aime bien rentrer chez moi. Et elle, sur mon palier, elle me parle, mais mille ans, de ses chats, de ses trucs et tout. Ah ouais, elle lui dit, vieille conne, tu m'as gonflé. Mais le pire, c'est comme c'est une voisine, tu peux même pas te dire, allez, vas-y, casse-toi, ouais, je te verrai plus. Bah, si tu veux, toujours à côté de toi. Donc, moi, je suis arrivé à un stade, bon, vu les horaires qu'on fait, je croise pas grand monde, mais le week-end, je me cache, je regarde par l'œil du bœuf. L'œil de bœuf. J'ai dit de bœuf. Non, j'ai dit deux, c'est parce que j'ai. Oh là là. Mais tu parlais de quel bœuf? Peut-être que tu parlais d'un bœuf. Yankee. On dit le Judas. Le Judas, et je me cache, j'attends que le voisin rentre chez lui pour pas le croiser. Et des fois, je l'entends ouvrir la porte et je pars, viens en courant, nanana, et je me cache. Ouais, mais ça, c'est vraiment digne de, pour le coup, à Homet Your Mother, hein, puisque dans la série, ils font ça aussi. Ah bon? Ouais, à un moment donné, ils en peuvent plus de leurs voisins, et les mecs, tu les vois, bref, ils courent à chaque fois, ils courent, et dès que t'as les voisins qui ouvrent, entre-ouvrent la porte, ils rentrent chez eux, ils font putain demi-tour, ils reviennent en courant chez eux. Ça, ah ouais, c'est mais l'horreur. C'était quelle saison là? 3. Ah oui, non, mais bien sûr. J'en suis à moitié de la 4. Ouais, moi aussi, c'est pas mal. J'en suis à la 5 là. Moitié de la 4, c'est pas mal. Moitié de la 4, très bien, très bien. Bon, allez, on suit. Donc, on suit le foot, on revient dans un petit instant et on va s'écouter, bien sûr, un morceau que j'ai prévu et que j'avais prévenu le Corse, mais bien sûr, il ne l'a pas calé. Black Eyed Peas. The Time, non, mais tu m'avais pas confirmé tout à l'heure. Tu fais des erreurs. Peut-être. Ah bah, justement, il faut prévoir au cas où, tu vois. Hop, je suis prêt. D'ailleurs, faudrait que tu prévois toute la bibliothèque musicale désormais, parce qu'à tout moment ça peut péter. À tout moment ça peut péter. Bah, Black Eyed Peas. Bah oui. Ah bah oui, bon, enfin là il va commencer à chercher. Allez, combien de temps? Hop là, c'est parti. Attention. Bon, et puis il y a un peu de temps additionnel là pour Benfica Lyon. Là reste 3 minutes de jeu, 4-2 pour Benfica. C'est dommage, hein, ils étaient à 4-0 à un moment là. Putain, ça avait la classe. Bah, là, ça 4-0. Va le faire, hein, ça va le faire. Non mais oui, 4-2, je m'inquiète pas pour Benfica là pour le coup. Hein. Valence 2-0 face à Glasgow Rangers. Manchester United 3-0 face à Bursaspor. Tottenham 3-1 face à l'Inter de Milan. Twente qui a mis 2-0 face au Werder de Brême. Et puis Hapoel Tel Aviv, Schalke 04, c'est toujours 0-0. Et puis Copenhague, Barcelone, un partout toujours, quoi. Ah là, je suis saoulé par contre. Les mecs, ils ont une équipe avec des gens qui payent une blinde, la surblinde. Ah. Et bah, contre Copenhague, ils gagnent. Attends, va savoir s'ils ont pas mis l'équipe 3 aussi, hein. Genre, l'équipe bien pourrie. Bah, il y a Lionel Messi quand même qui joue, quoi qu'il arrive. Donc, si tu veux, bon, ça va. Bon, allez, on se fait péter le nouveau son des Black Eyed Peas découvert ici il y a 2 semaines. On se fait péter The Time. Voilà, Black Eyed Peas à l'instant avec The Time. Tous les matchs sont terminés. 4-3, putain de Taras pour Benfica Lyon là, surtout juste, hein. Fais chier. Ouais, tant mieux. 4-3, la 95e. Bah ouais, 4-3, ouais, c'est terminé sur 4-3. Donc, c'est-à-dire que l'entraîneur de Benfica suivait un peu vénère. Il est content d'avoir gagné, mais quand même, quand tu viens 4-0, c'est dur, hein. Ouais, bah ouais, c'est tendax, ouais, 95e minute, putain, Puel à la gueule de con. Attends, écoutons Puel. Oui, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a perdu. 3-0, bien sûr, c'était mal embarqué. L'objectif, c'était de réduire l'écart parce que le goal à verrage particulier peut être important. Donc déjà on prend le dessus sur cette équipe de Benfica, donc ça c'est au moins sauvé ça, quoi, hein. Et c'est bien d'avoir vu cette réaction collective. On imagine que vous n'avez pas vous contenter de cette mi-temps, vous avez forcément aussi gardé en mémoire la première qui a été catastrophique. Voilà. Bon, il faut garder aussi parce que forcément il est content de la deuxième mi-temps où ils ont mis 3 buts, mais il n'est pas content de la première où ils ont pris 4. Hein. Je trouve que le but à la 95e est il est pas beau, mal. Ouais c'est ça, ouais. Bon, et puis sinon récap en speed, hein, donc ça y est, Copenhague, Barcelone, un partout, hein, un drame. Ouais. Putain, Barça quoi. Ça me fait vraiment chier parce que moi je suis un fan du Barça. Ah ouais, mais bien sûr, pour leur gueule, ils ont joué comme des merdes de toute façon apparemment, hein. Enfin, c'est les échos, ouais, moi j'ai pas vu l'image. Mais bon, apparemment. Donc en tout cas, donc voilà, donc il y aura une autre journée demain avec Auxerre et Marseille qui jouent demain. Pas ensemble, hein, mais Auxerre face à l'Ajax et Marseille face à Zilina. Ils vont se prendre une branlée. Slovaquie. Ils Marseille. Vont se prendre une branlée. Non, bah là ils doivent gagner, hein. C'est pas à Zilina en Slovaquie. Oh là là. Bah ils avaient déjà. Non, ils avaient gagné face à Zilina, mais à Marseille. Donc voilà. Bon, on suivra ça demain, bien sûr, dès 20h. Ça tombe sous le sol. Enfin, dès 20h45 pour être précis, puisque ça commencera à cette heure-là. Voilà. Qu'allais-je dire? Je ne sais plus. Oui, que vous allez pouvoir téléphoner au 01 55 64 13 24. Mais Elisabeth qui est déjà là aussi, ouais, Elisabeth. C'est ça, c'est Elisabeth. Allô? Oh, Elisabeth, on avait presque oublié. Comment ça va, Elisabeth? Ça va? Ça va et toi? Vous allez tous bien? Bah écoute, oui. Oh, elle est de bonne humeur, ouais. Elle est trop mignonne. Ah ouais. Et vous savez aujourd'hui quel jour on est? On est jeudi. Non, on est mardi. Non, c'est faux, on est jeudi. Non, c'est mardi. Non, je te dis que c'est faux. On est jeudi. Les gens t'ont menti toute la journée. Les gens, ils m'ont menti toute la journée. Ouais, ouais, on est le 2 novembre. Non, ah non, on est le 4 novembre. On est le 3. Il y a un moment, il y a un moment, on peut pas te laisser dire des conneries à l'antenne. Hein. Donc si jamais c'est le 4 novembre, donc dans un mois, c'est mon anniversaire. Oui, ah non, non, effectivement, nous sommes le 2 novembre. Non, mais en sorte, c'est dans un mois, mais on peut le fêter un jour avant. Le 3 décembre. Ah, par contre, ah oui, Babette, le 17 novembre, c'est ma fête. Donc, le 16, c'est l'anniversaire à Pierre. Donc, Pierre, il va avoir un paquet. Mmh. Après, donc, le 22, c'est la fête à Cécile. Donc, Cécile, elle va avoir un paquet. C'est la fête de Cécile, on dit pas à Cécile. Ouais, ça veut rien dire, la fête de Cécile. Cécile, ouais. Ah, bah voilà, non, mais c'est mieux voilà. Comme ça. Ça sera voilà. La première fois qu'on le fête, on m'oublie tout le temps. Hein? Bah, de toute façon, en novembre, il y a plein de trucs, hein. Et puis, le 19, c'est l'anniversaire de mon ex, que Michael, il connaît. Ah bon, c'est qui ton ex? Micha. Ah, c'est ton ex, Micha? Oh putain, ah, elle est bonne. Ah, bah, l'autre chose maintenant. Bah oui. Oh, bah, je risque Micha, de lui dire deux, trois trucs, hein. Moi, l'année dernière, j'envoyais plein de mots d'amour à Micha. Ouais, Micha, c'est mon bébé d'amour et tout. Bah, oui, enfin, ça veut pas dire que tu te le tapes, hein. Non, mais j'ai cru me l'avoir tapé, mais. Ah oui, elle a cru, ouais. Par contre, ah oui, vendredi, Fredo, il va recevoir un paquet. Ah bon, un paquet de quoi? Oh merde, oh, une saloperie pour le chien. Oh là là. Il y a ça. Ouais, mais en sort, c'est pas tellement pour en sort, si c'est pour Fredo, mais c'est pour Monsieur E. Et je sais pas qu'est-ce que je peux lui mettre parce que j'ai trouvé ça. Monsieur E, mets-lui une perruque parce qu'il est chauve. Il est chauve, Monsieur E. Ouais. Parce que j'ai trouvé une balle, tu sais, un ballon de foot. Non, il aime pas le foot, mais il est chauve. Qui aime pas le foot? Monsieur E. Monsieur E, bah non. Mais je pense qu'il va aimer ce ballon de foot. De toute façon, c'est un bouffon, monsieur. C'est un connard. J'ai mis mon parfum dessus. J'ai mis mon parfum, donc je pense qu'il va aimer. Non, mais c'est un bouffon, hein. Et plus j'ai envie de lui mettre une Barbie dedans. Ouais, bon. Mais lui, un bout de saucisse aussi. Il aime les Barbies, monsieur E. Il aime les Barbies, mais les Ken. Et les saucisses aussi. Oui, il a bien Ken. Est-ce que je peux lui mettre du Durex? Oui, si tu veux. Il est de la vaseline pour qu'il s'enfonce la Barbie. Voilà. Moi, j'aimerais tellement les Durex et tout. Ah oui, Babette, dimanche, elle a fait des bêtises. Oh! Alors, enfin. T'as fait quoi? Pas tellement une bêtise. Coquine. Alors voilà, ce qu'il y avait, c'est que moi, je devais aller au bois. Au bois, dans les bois. Au bois de Boulogne? Non, un bois, c'est-à-dire dans les bois, dans les parages de Grenoble. Ouais. Le bois et de Grenoble. Et puis, j'avais rendez-vous à 8h. Ok. Non, à 10h. Ok. À 10h. Mais moi, ce qu'il y a eu, c'est que moi, je me suis réveillée à 5h du matin au lieu de 7h. Ouais. C'est-à-dire? C'est-à-dire, bon, parce que... Non, c'est par rapport aux heures. Et donc, moi, oui, par rapport aux heures, déjà, oui. À 6h du matin, j'étais déjà dans les rues. Ouais. Donc, j'attendais le car. Le car, il n'était pas là. Bon. Alors après, donc j'ai eu tellement peur comme quoi, donc j'allais être en retard et tout, à 8h et tout, pour aller au bois et tout. Mmh. Donc j'ai couru comme une malade et tout, jusqu'à la gare et tout. Donc à la gare, il n'y avait personne et tout, c'était nuit et tout. Et j'ai dit ma parole, je sais pas, peut-être qu'il y a une éclipse. Ouais. Ouais, et alors, va au but parce que j'ai un peu de mal à tourner. On est en mode ardisson là. C'est-à-dire il fallait changer les heures. Mais moi, j'ai changé les heures. Ouais. Mais seulement, ce qui s'est passé, c'est que j'ai avancé de 2 heures. C'est-à-dire de 3 heures, j'ai avancé 1 heure, donc 4 heures, plus 5 heures. Donc j'ai mis... Non, mais c'est-à-dire, attends, t'as changé ton heure... Dans le mauvais sens. Dans le mauvais sens, mais au lieu de mettre 1 heure, j'ai avancé de 2 heures. Ouais, donc tu l'as mis dans le mauvais sens. C'est-à-dire que t'étais un peu confuse, du coup. Dans le mauvais sens, mais 2 heures plus. Non, mais c'est-à-dire... Ah ouais. C'est-à-dire que c'est de la merde, quoi, concrètement, on essaie de nous dire ça, quoi. De 3 heures des heures d'été, j'ai mis, c'est-à-dire 4 heures et c'est-à-dire 5 heures, j'avançais de 2 heures. Non, mais c'est-à-dire que c'est improbable. Ben, pour l'heure, j'étais hyper à l'avant, j'étais hyper tôt dans les rues. Ah ben... C'est-à-dire qu'il y avait personne dans les rues, du coup? Ouais, il y avait personne, même pas un pervers ni rien. Ah oui, c'est-à-dire qu'à cette heure-là, les gens sont pas dehors, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait que toi, alors? Il y avait que moi, mais par contre, je vais vous faire un truc pour vous, les filles, parce que hier, c'était la journée d'Halloween, mais comme aujourd'hui, c'est la journée des défunts, la journée des morts, vous savez, le fameux grillon. C'est-à-dire? Le grillon des ténèbres, ouais, l'été dernier. C'est-à-dire que c'était ta fête aujourd'hui. Hein, le grillon des ténèbres, qui était rentré à Goumes. Ouais. Ce petit grillon. Oui. Non, moi je comprends pas. On l'a jeté par la fenêtre. Et ce grillon, Il s'est peut-être caché sous le pont de Seine. Eh oui, qui sait, il s'est peut-être caché, effectivement, et on ne sait pas. Le crayon qui s'est transformé en un camionneur sur le pont de Sèvres. Elisabeth. Elisabeth. Elisabeth. Elisabeth. Ouais. Vous avez combien dans ta tête? Il y a combien de personnes? Le pont de Sèvres. Déjà rien que ça, t'imagines ou quoi? Elisabeth, on va pas te déranger plus longtemps, te reprendre dans le Corsica chaud. Hop là, ce sera parfait comme ça dans le Corsica chaud. Oh bah là oui, oh bah là, c'est parfait. Ouais. Allez, on se met la pub derrière, Sum 41. On aura des places à vous filer d'ailleurs cette semaine pour le concert de Sum 41. Et puis on va se faire péter Hellsong dans quelques instants. Ne bougez pas, le Corsica chaud débarque également dans quelques minutes. Sum 41 à l'instant sur Goom Radio, c'était Hellsong. Et on va enchaîner directement avec le Corsica chaud. C'est nos dires. Le Corse est sur Goom Radio. Le Corse est sur Goom Radio. Ouais, j'ai. Non, je t'en supplie. Prends un vrai micro, parce que là, avec celui-ci, je peux plus. Là. C'est vrai, c'est horrible. C'est-à-dire que là, il parle. J'ai l'impression qu'il parle dans une boîte. Voilà, prends celui-là. Mais ça doit venir du micro, ouais. Ah ouais, non, mais je sais pas d'où ça vient, mais ça vient d'un problème. Hein. Ouais, c'est sûr. Donc on se la refait. Pas mieux là. Non, on va pas se la refaire. Hein. Continue avec le test. C'était parfait. Non, voilà. Bon, enfin, j'espère que vous allez bien. On va prendre René. René, alors, Halloween, ça s'est bien passé? J'ai enculé des citrouilles. Et en plus, des ta citrouille, elle avait ta grosse tête, elle avait des gros joues et des grosses gougouttes. Oh, j'ai enculé la citrouille, j'ai pensé à toute ta famille. Ah ouais? Pour de bon. Pour de bon, t'as un petit cul ferré. Il est tiré avec un gros colon pierceur. Mais dis-moi, t'es sûr que c'était pas ta famille à toi, les citrouilles? Non, toi, tu dois venir des. Tu ne rasses pas, toi. T'encules! Mon René. Bon, dis-moi, va t'enculer une citrouille, je t'embrasse, ciao. Monsieur, bonsoir. Oui. Eh ben, tu sais, ça fait longtemps que je passe pas dans l'émission. Tu sais pourquoi? Parce que j'écoutais le Corsica Show et j'écoutais le reste de l'émission et je voulais faire une analyse de ton travail. Bien sûr. Alors? Et puis, je trouve vraiment, en fin de compte, t'en as rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Je trouve que tu t'en fous. Ah bon? De quoi? Et quand il te demande de mettre des musiques, bah tu mets pas. Et quand t'as une de ces deux putes, bah qui dit. Calme-toi, on ne t'a pas insulté. Oh, calme-toi. Tu commences d'entrée, tu me fais chier. C'est dur. Vous avez vu, vous les filles, comment vous avez parlé de du président? Comme quoi, c'était pas son club de foot. Avec l'autre, la dentition de cheval, là, comment il s'appelle? Mika, c'est Pierre. On a rien dit sur le président, nous on l'aime trop. On a juste critiqué monsieur, c'est-à-dire toi, mais le président n'a rien dit parce qu'on le respecte. Voilà. Faites attention, hein. Parce que moi je fais comme René, je vous encule. Mais viens avec ta cul aussi, apprends-toi à parler déjà, après tu viendras passer à la radio. Toi, avec ton taquibou, là, ta petite verge, là, toute molle. Verge molle. On vous reprendra dans l'émission. En tout cas, bonne soirée, elle monsieur. Elle m'a gonflé. Ouais, sérieux, ça va. On n'agace pas, voilà. Ça, c'est le meilleur moment de l'émission que je préfère. Je l'adore, Gaspard, parce que ses blagues sont vraiment drôles. Alors, Gaspard, comment vas-tu? Oui, bonsoir. C'est Gaspard, je suis en grande forme. Hein. Ah ouais? Mais dis-moi, c'est pour quand l'Olympia? Tu m'as toujours pas répondu. C'est pour avril, mais 2042, on m'a dit peut-être. Tu me donneras des avis ou pas? Oui, ouais. Ah, cool. Bon, alors, quelle est ta blague ce soir, Gaspard? C'est l'histoire d'une blonde et d'une brune. Émilie et Cécile, ouais, tout à fait. Fais attention. Dis-moi, il y a une rumeur. Attends, avant de continuer ta blague, il y a une rumeur qui court comme quoi tu te serais pécho, Émilie, c'est vrai? Non, je peux pas trop en parler. C'est confidentiel. Tu peux lui jurer, on a tourné la page, Gaspard. Ouais, mais c'était, t'es pas au courant sur le moment, alors c'est pour ça. Mais c'est vrai que j'étais un peu endormie, t'as profité de cette soirée arrosée, mais quand je me suis réveillée, bon, j'avais un peu mal partout, mais c'est passé, quoi. Ouais. C'est oublié. Bon, c'est marrant, quoi. Ouais, c'était rigolo. Mais surtout les blagues, quoi. Parce que t'es rigolo. Oui. La meilleure blague que t'as pu faire, c'est dans un lit, quoi. C'est clair. Ça doit être bien de coucher avec une humoriste ou un humoriste. Non, parce que c'est dépressif. Gaspard, il a fait que pleurer quand on a fait l'amour. Ah ouais? Oui, bah c'est pas ma faute, c'était la première fois. Hein. Oh, voilà. T'es trop mignon. Ah. Ouais, c'est nul. alors, c'est l'histoire d'une blonde et d'une brune. Ouais. La blonde, elle dit waouh, c'est trop beau, des chevals. Et la brune, elle lui dit mais c'est des chevaux. Et la blonde, elle dit waouh, qu'est-ce que ça ressemble à des chevals. C'est drôle, ça. Moi, je crois que le truc qui me fait le plus rire chez Gaspard, c'est son rire, en fait. C'est clair. S'il pouvait m'appeler et rigoler, ça me ferait rire. Sinon, les blagues sont merdiques. Non, ça non, parce qu'il en a bon. Gaspard, des fois, il est en grande forme, des fois, il est en demi-teinte. Mais en demi-teinte. Okay. Ouais. C'était nul. Ben, apparemment, non, ça Gaspard, pas fait. C'était vraiment drôle. Ça n'a pas fait l'unanimité, donc essaie d'en refaire une autre. Vas-y, fais-en une autre, allez. Non, ben, j'en ai pas trop. Ben oui, tu en as. Vas-y, une autre, allez. Tu connais la blague Tu sais pourquoi les Belges ils vont aux toilettes avec un fusil? Non. Pour tirer la chasse. C'est drôle, ça. Bon, mais Gaspard, je te remercie. Je te dis à demain. Repose-toi bien pour être en grande forme. Oui. Parce que demain, je veux de la grosse blague. Il veut de la grosse, demain, il veut de la grosse. Vous avez compris, les filles? Hein, faut qu'il soit prêt là maintenant, hein. Ouais, d'accord. Je vais dormir là alors. Voilà. Enfin. Bon, Gaspard, bonne soirée, dors bien, bonne nuit. À demain. Bonne nuit. Ciao. On a Yuki. Yuki, bonsoir. Bonsoir, ça va. Comment vas-tu? Bah, ça va, boss. Ça y est, tu as pu reprendre l'émission en cours, parce qu'à un moment donné, tu pouvais plus nous écouter, c'est ça? Ouais. Tu étais où? J'étais chez mon père. D'accord. Mais il n'y avait pas internet là-bas. Mais pourquoi ça va pas, Yuki? Quoi? Pourquoi ça va pas? Il est triste en ce moment, mon petit Yuki. C'est vrai, tu m'as pas l'air en grande forme. Ah non, mais c'est juste parce que je repense à un ami qui est plus de monde. Et vu qu'aujourd'hui c'est la journée des morts, je suis un peu triste. Ouais. Ben, tu sais, le mieux, c'est de... Tu penses à lui et que tu prouves que sur Terre, tu te bats et que voilà, ton ami, s'il était là avec toi, il serait fier de toi, quoi. Donc, ouais. La tristesse, c'est bien, mais il faut reprendre le dessus. Ouais, hein? Et aussi, je voulais dire quelque chose à Elisabeth, en fait, parce que là, je m'inquiète un peu pour elle. Elisabeth, tu voudrais que je te paye un psy ou un exorciste? Parce que tu me fais peur, là, un peu. Moi, je pense pour l'exorciste. Avec ton ton de sèvres, là, je sais pas, mais ça m'a fait peur. Les deux, je pense. Hein. Ok, ouais. Bon, je te ferai un cadeau pour Noël. Hein. Ouais, mais on te mettra en relation avec Yuki, t'inquiète pas. Il a une trop belle voix, mon petit Yuki. C'est clair qu'il a une super voix. Sympa, en tout cas, Yuki, je te remercie d'être passé, d'avoir appelé. Je t'embrasse, je te souhaite une excellente soirée. Une dernière question. Vas-y. Qui est au standard? Oui. C'est un nouveau. Il s'appelle Vincent. Je me disais. Bon, Yuki. Du coup, je m'étais trompé. Oui. Bonne soirée, je t'embrasse, je te dis à demain. Nous, on se retrouve demain matin avec la grosse matinale. Et puis demain soir, il regarde Cécile. Tu vas arrêter de m'insulter, bon, mon petit Corsico. Voilà. Allez, passez une bonne nuit tout le monde. Rocker effectivement demain à partir de 20h et Shakira qui débarque après ça. Bisous.